Ben on sait pas. Ouais. C'est en fonction de la météo. En fonction du temps, ouais. Mais on va rester quand même ici jusqu'à fin septembre s'il fait beau, quoi. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on a toujours prévu, juin, juillet, août, et septembre. Fin septembre, ouais. Voilà. Et puis septembre, c'est selon. Ouais, fait... mais là, les températures sont clémentes, il fait beau, là, en ce moment. Ouais, c'est super bien, c'est super bien. Je prends mes lunettes, j'ai oublié. Vous allez vous baigner un peu? Moi, jamais. Et Michaela? Ouais, Michaela, elle se baigne. Ouais, elle se baigne. Parce que vous avez froid ou parce que vous aimez pas ça? Ou les deux, peut-être? Oui, voilà, je sais pas... Bon, j'ai passé toute mon enfance ici en vacances. Ah, d'accord, ouais. Et c'est une maison de famille ici ou... Ici, c'est une maison que mes parents ont achetée dans les années 80. À ce moment-là, j'étais fâché avec eux, on ne s'est pas vu pendant 40 ans. D'accord. Voilà, donc ils ont fait ça. Cette maison était au nom de ma mère, et ma mère est décédée en 2012. Ce qui fait que cette maison, j'étais venu ici avec Michaela pour la vendre, parce que je n'avais pas d'affect pour elle. Ouais. Et puis, la vendre, voilà. Bon, elle me dit, tu fais une connerie, garde-la. J'ai fait, on a déjà une longère de 300 mètres carrés en Charente-Maritime. Vous étiez en Charente, oui, c'est ça? Oui, mais on fait le tour, à Jonzac, à côté de Jonzac, voilà. Okay. On fait le tour, et puis donc elle me dit, tu fais une connerie. Bon, oui, mais je fais, comment on va faire financièrement, parce qu'on n'était pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui, comment va-t-on faire financièrement pour retaper, parce qu'il n'était pas question de vivre dans cette maison. Il fallait tout refaire. Il fallait tout refaire. De A à Z. On a tout refaire. Bah, si vous voulez, hier, il y avait... Pas de fenêtre ici, pas de porte ici. Vous rentriez par la cuisine. D'accord. Après, ici, c'était une salle de bain. D'accord. Un peu avant la salle de bain, une chambre, la chambre de ma mère. Oui. Ici, des chiottes. Oui. Ici, la porte qui donnait, la seule porte qui donnait sur le jardin. D'accord. Et la chambre de mon père. D'accord. Ce qui fait qu'on devait passer par tout ça. Voilà. Oui. Bon, donc, c'était pas jouable. Et du coup, bah, le garage, on l'a refait faire, on a refait une chambre ici, une salle de bain, etc. D'accord. Bon, on s'est à nouveau endetté, parce que, je ne sais pas combien ça m'a coûté, 150, 170 000 euros. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais, ça va vite. Et puis, donc, on a vite vendu notre longère, bah, qui était bien. Quoi. En général, on fait les choses bien. Et on est venu ici en 2014. D'accord. Okay. On a habité ici en 2014. En 2016, on a acheté sur plan à Auray. Mm-hmm. Et en décembre 2017, on a décidé de venir ici, passer Noël. Okay. Contraire. On quittait Auray pour aller à... On quittait Quiberon pour aller à Auray. D'accord. Passer Noël. Okay. Et puis, depuis, ben, on est rentré. Ça, c'est devenu une maison de campagne, quoi. Oui, c'est ça. Hein? Et derrière, ben, voilà. Ouais. Et vous avez accueilli les enfants, là, un petit peu cet été? Non. J'ai pas voulu. J'ai pas... Ben, si vous voulez, je vis un peu en ermite, moi. Parce que je suis vraiment, en termes de pathologie, je suis diabétique, j'ai problème pulmonaire. Je fais super attention. Je sais, mes parents, c'est pareil. Ce qui fait que bah, je sors peu. Si, je me promène, quoi. Voilà, ouais, je ouais. me promène là. Et puis on est bien, et puis voilà, ouais. voilà, un petit peu comment... Non, mais c'est vrai que c'est une année particulière, hein, ouais. Ah oui. Pénible. Ouais. Bah, nous, moi, ça me change guère, mais voilà, mais, et puis Michaela, elle se baigne tous les jours. L'eau est bonne, là? Ouais. Oh, non, mais on serait dans la mer du Nord, direct, l'eau était aussi bonne. Quoi. Ouais, bon. Moi, j'ai du mal. Hein? Ah oui, voilà. Bah, oui. En dessous de 20, c'est compliqué pour moi. Il faut pas se poser la question. Bah, il ouais, se pose toute seule la question. Oui, oui, non, mais bon, donc on n'y va pas. Quoi. Et puis le corps s'habitue. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais il faut quand même y rentrer. Hein. Et puis c'est ça. C'est très simple. Pour votre dos, ce serait très bien. Ouais, alors bah, là, comment il va le dos? Alors l'opération s'est très bien passée. J'ai super bien récupéré, beaucoup plus que je ne, beaucoup plus rapidement que ce que je ne pensais au départ. C'est vrai qu'au bout d'une semaine et demie, la première semaine on douille hein, quand même, hein, mais au bout d'une semaine et demie, je pouvais remarcher, les douleurs étaient quand même beaucoup plus supportables. Il m'avait prescrit de la morphine, j'en ai pas pris. Enfin, voilà, bon, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. Mais par contre, pas d'évolution au niveau de l'insensibilité qui existait. Donc j'ai eu mon rendez-vous post-opératoire la semaine dernière. Ouais. Et en fait, alors l'hernie était quand même grosse, et elle était là depuis longtemps, et donc le nerf est atrophié, et très atrophié. D'accord. Donc en fait, ça va mettre du temps avant que les cellules se régénèrent et se reconstituent. Ouais, ouais, ouais. Donc il m'a parlé de deux, voire peut-être même un peu plus de temps. Et les conséquences de ça, qu'est-ce qui se passe au niveau du genou, de la jambe? Je la sens pas, donc je tombe, quoi, de quelques fois. Ah, oui, vous trébuchez, vous tombez. Oui, c'est ça. Ah. Voilà. Alors, donc, c'est pas grave, hein, je me fais un peu mal. Mais non, mais. Bon, si, c'est grave. Enfin, pour éviter, quoi. Parce qu'un jour. Oui, c'est ça. Risque de vous faire mal. Ouais. Donc, il faut apprendre à regarder, on me l'est. Oui. Mais même, des fois, je descends de la voiture, des fois, ça va, elle tient le choc, et des fois, elle se dérobe, quoi. Oui. Alors, c'est intéressant, ça. Alors, je vous mets en garde, parce que on a un kiné. Qui m'a soigné il y a quelques années, qui est entre les mains de Michaela, qui a Michaela aussi. Non, je suis entre ses mains. Oui, qui a Michaela aussi, et qui m'a dit, qui tombe aujourd'hui, tombera demain. Ah oui. Alors, il faut être vachement vigilant, il faut apprendre à regarder devant soi, bien lever les jambes, etc. C'est vrai. Donc là, je vais me mettre au sport aussi, enfin les sports qui m'a conseillé, hein, c'est-à-dire marche elliptique, le vélo comme ça, là, et puis natation. Comme j'aime bien nager, je vais m'orienter vers la natation. Ouais. Il faut acheter une combinaison. Hein. Ah non, mais à la piscine. Quand j'étais petit, je faisais ça en études, la natation. Donc, d'accord. Je suis à l'aise dans l'eau, quoi. Donc, on d'accord. Profiter, quoi. Bon, ben voilà, maintenant qu'on a fait le point des affaires courantes. Première chose, est-ce que vous accepteriez qu'on s'appelle par nos prénoms et qu'on se tutoie? Ah oui, je ne sais pas si je vais réussir, hein. Vous pouvez le faire en tout cas. Bon, d'accord. Ça va venir pour. Non, mais ça vient très vite avec moi, tu verras. Bon, alors ce que je propose aujourd'hui, c'est que tu t'occupes de Michaela. Ah, moi, ça va être. Vite fait. Oui, pourquoi? J'expliquerai. Bon, voilà. Donc, on commence. Par. Hein ou par moi, comme tu n'importe. Veux. Allez, par moi, comme ça. Par vous je prépare l'apéro. Voilà. Faut que je prenne des notes. Non, pas vraiment. Non. Non, je crois pas. D'accord. Ça n'empêche pas de prendre des notes quand même. Oui. Non, vous faites comme vous voulez, mais en principe, c'est pas nécessaire. Alors, je vous écoute. Alors, premièrement, je voudrais ouvrir chez vous pour chacun des petits-enfants, j'en ai deux, un compte épargne. J'ai droit de leur donner 30 000 euros. Ils sont majeurs? Oui. Donc 2 fois 30. 2 fois 30? Oui. Chacun. Vous êtes sûr? Sûr. Parce que sûr. Net d'impôt. En fait, il y a deux dons qui existent. Il y a le don manuel et le don familial. Ouais. Et les deux peuvent se complémenter. D'accord. Ouais. D'accord. Donc le don manuel, c'est 31 865 euros. Et le don familial, c'est également 31 865 euros. Il faut juste que le donateur soit âgé de moins de 80, c'est le cas, et que le petit ait plus de 18 ans. D'accord. Et pourquoi plus de 18 ans? Parce que c'était fait pour relancer un petit peu après la crise de 2008. Ouais. C'est un don qui a été créé après la crise de 2008. Et c'est pour éviter que les sommes soient dormantes au nom des grands-parents et que l'argent circule plus pour réaliser certains projets au niveau des petits. Vous dites 31 000 ? 31 865. Je reviens. 35. Fois 2, donc. Deux fois. Bon, on va commencer déjà avec 31 865. Ouais. Et je voudrais que ça soit mis sur un compte d'épargne. Ok. Parce que je leur ai dit, mais Qu'ils ne puissent pas aller chercher 15 euros pour acheter un paquet de cigarettes ou autre chose, boire un coup. Je comprends. Donc, ça serait pour réaliser plutôt un projet conséquent et futur. Qui n'ont pas actuellement. Ma petite fille, elle a 18 ans. Ok. Elle va commencer des études. Oui. Donc, elle fait une prépa. Donc, il y a le temps, quoi. Ouais. Et mon petit-fils, il a 23. Oui. Et lui, il travaille. D'accord. Il travaille actuellement, il ne gagne pas beaucoup, il travaille à la mairie, il s'occupe des enfants. Bon, moi, ça aurait été le mien. Oui, vous m'avez déjà expliqué. Ouais. Donc, donc, je leur ai dit. Oui, donc ils sont prévenus. Ils sont prévenus, mais donc je voudrais que ça soit sur un compte qui leur rapporte, que ça fasse un peu mal s'ils commencent à le toucher tout de suite. Oui, ok. Alors, au niveau déjà de la sécurisation en fait, des projets, en fait, pour être sûr que les projets, que cette somme-là serve à un projet que vous jugez, vous, utile. Après, c'est leur choix, ils sont majeurs. Okay. Oui, donc il n'y a pas besoin de sécuriser à outrance les fonds. Okay. Parce qu'il y avait la possibilité, si vous voulez vraiment sécuriser ce qui est donné, c'est d'ouvrir un contrat d'assurance vie à chaque petit enfant, vous mettre, vous, bénéficiaire, et en plus de cette démarche, accepter le bénéfice du contrat. Ça s'appelle bénéficiaire acceptant. Ça veut dire que peu importe l'âge du petit enfant, s'il souhaite retirer, il faudra la signature également. Non, ça je veux pas. D'accord, un produit simple. Je voudrais qu'il soit autonome, mais je leur ai dit ce que je souhaite. Oui. Et je souhaite que ça rapporte, même si ça ne rapporte pas beaucoup actuellement. Non. Et je veux pas forcément de l'assurance vie. Et pas forcément de l'assurance vie. Non. C'est ce qui va rapporter un peu le plus quand même. Oui, mais bon, ça baisse quand même en ce moment. Hein. Bah, ça dépend ce qu'on met comme support en assurance vie. Bah écoutez, la balle est dans votre camp. Oui, alors, justement, ça va être intéressant. Alors, Oui. Elle a parlé, elle a dit grosso modo. J'ai pas fini. Hein. Oui, je sais que t'as pas fini. Pour démontrer, il faut chercher peut-être à la convaincre, j'en sais rien. Oui. L'idée, c'est de voir les scores que j'ai fait moi sur ton conseil. Oui, c'est trop récent, hein, M. Blackbeller, mais on va regarder. C'est pas grave. Ouais. Les scores que j'ai faits, et puis des projections éventuelles, etc. Ouais. etc. Ouais. Et les contraintes aussi. Et les contraintes, tout. Hein. Alors, tu repasses à moi, puis on finira par elle. T'es d'accord? Non. Elle n'est pas d'accord. Non. Ah bon, elle n'est pas d'accord. Je termine. D'accord, comme tu veux. Au niveau des... Alors, si on part sur des contrats qui sont hors assurance vie, c'est-à-dire livret, plan de... Il n'y en a pas 50, hein. Non, il y a livret, PEL et Comptit ou PEA, mais là, on n'est que sur des actions pures. Ouais. Donc, si on part sur des produits plus sécurisés hors assurance vie, on aura un rendement qui sera en dessous de 1, qui va être entre 0,05 et 0,7, quoi, à peu près. Bon. Voilà. Si on part sur un contrat d'assurance vie, on aura quand même un rendement un peu plus intéressant sur le fonds euro. Mais les assureurs obligent aujourd'hui à ce que sur la partie investie, sur les 30 000 euros, il y ait 40% en unité de compte. C'est-à-dire 12 000 euros qui soient investis sur des supports un peu plus dynamiques. Donc après, en fonction... Qui normalement, ils sont censés rapporter plus. Ou perdre plus. D'accord. Oui, il y a un taux sécuritaire où là, on ne va pas gagner beaucoup, mais on ne va pas perdre. Ouais. Effectivement, au niveau des unités de compte, il peut y avoir un risque de perte en capital. Si vous partez sur un contrat d'assurance vie au niveau des petits, à mon sens, deux choix différents peuvent être faits. Il y a quand même un des petits qui a 23 ans, qui risque d'avoir besoin d'argent peut-être bien avant sa sœur. Non, je veux la même répartition. La même punition pour tous les deux. D'accord. Pourtant, les horizons de placement ne sont pas forcément les mêmes. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait travailler. Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, si vous voulez sécuriser au maximum les avoirs, pas partir forcément sur ce qui a été fait avec l'aune, mais plus partir sur une diversification, donc fonds euro et fonds diversifié. C'est-à-dire où on n'a pas forcément dans la diversification que des actions, mais on a également des obligations, des monétaires. Donc forcément, ça montera moins qu'une action si les marchés montent, mais ça descendra moins aussi. Donc ça va sécuriser quand même un peu plus le projet et un peu plus les avoirs. Tu peux donner des ordres d'idées de chiffres? Ça va être entre moins 6 et plus 6. en termes de variation. D'accord. D'accord. D'accord. Et si, d'accord, et s'ils veulent, pour une raison X, donc toucher de l'argent. Oui, on fait un retrait partiel. Et les frais Alors, il n'y aura pas de frais propres à la banque. Mm-hmm. Par contre, il y aura une fiscalité sur les intérêts, ouais. qui sera de 12,8% sur les intérêts. Donc, c'est pratiquement rien. Ouais. 2,8 de pas grand chose. C'est l'État, ça. Oui, c'est la fiscalité d'État. Ouais. C'est déduit tout de suite. Oui, oui. Ouais. En fait, on a tous les ans. Il y a deux fiscalités qui coexistent. Ouais. Tous les ans, vous allez avoir les prélèvements sociaux qui vont être pris, la CSG et la RDF. Ouais. Et s'ils font un retrait avant les 8 ans, ouais. il y aura 12,8% sur les intérêts. D'accord. Alors, en fait, vous avez votre capital ici. Ouais. Le capital augmente avec les intérêts. Ouais. Et si vous prenez une partie, c'est cette partie-là ouais. qui est taxée à 12,8. D'accord. D'accord. C'est bien, hein, tu as fait des grands programmes maintenant, tu sais faire des dessins. Alors, oui, fait oui. Des... Non, mais c'est bien, et... c'est bien parlant. Oui, c'est parlant, oui. Et les intérêts, ils rapportent des intérêts aussi. Oui, ça, ouais. oui les, ça se cumule. Ouais. Ouais, ça se cumule ouais. D'accord. Et les intérêts, c'est. Ça, c'est les frais, les intérêts, grosso modo. Les intérêts, on était à 1,35 l'année dernière, ouais. en sachant que les intérêts assurance-vie, on ne les connaît toujours qu'à année échue. Oui, d'accord. Non, mais il y a année échue et puis il y a perspective. Perspective baissière. Bien. Alors, voilà. Donc, année échue, c'était combien ? 1,35. Et les prévisions pour 2020, on ne les a pas encore, mais on sait très bien, de toute façon, qu'on est en tendance baissière. Ouais. La Banque européenne, de toute façon, tant que la Banque. Si on a 1, ça sera bien. Ça sera bien. Ouais. Je pense qu'on aura un peu moins. Oui, parce que l'année dernière, ils ont pu maintenir des taux corrects parce que le marché actions s'est très bien comporté. Ouais. Cette année, c'est un peu plus compliqué avec la crise sanitaire. Ouais. Du coup, parce que quand on parle de rémunération de fonds euros, dans le fonds euro, il y a des obligations, il y a de l'immobilier, il y a des actions, mmh. et c'est cette rentabilité-là qui permet d'avoir une distribution, c'est le cocktail, ouais, d'accord. cocktail de répartition. D'accord. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a été boosté un petit peu par le marché actions. Les assureurs, quand même, ont fait des réserves, mais cette année, ça ne sera pas le cas. Ouais. Et d'accord. tant que la Banque européenne aura des taux négatifs, tant mieux pour celui qui emprunte, ouais. tant pis pour celui qui épargne. Ouais. Ouais. C'est comme ça, on n'y peut rien. D'accord. C'est les conditions de marché. Bon. Ok. Et donc, dans la répartition, il y aurait 28 000 euros sur le fonds euro sécuritaire et puis 12 000 euros en actions diversifiées. Donc, le moins risqué possible, mais une perte en capital peut être possible sur les 12 000. C'est marrant ce que tu dis là, parce que moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Pardon. Ah non, c'est le pied de parasol. Ouais. Bah, il est un peu dur. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que l'alternative, c'est moins d'un pour cent. L'alternative, c'est un plan d'épargne logement à 0,70. Ouais. Voilà. Et je ne sais même pas s'ils n'ont pas déjà un. S'ils en ont un, on ne peut pas. Voilà. Alors, attention, c'est une question qu'il faut peut-être aborder avec eux. C'est que s'ils en ont déjà un et qu'il a été souscrit à une date intéressante en termes de taux, peut-être le coup, tout simplement, d'abonder le plan d'épargne logement. Hein. Bon. Je crois pas. Mais plan d'épargne logement, si on verse et qu'on veut retirer, c'est tout ou rien. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, bien sûr, d'accord. Oui, je sais. À la poste, ah oui, vous avez vu ils m'ont squeezé. Ouais, c'est tout ou rien. Tout à fait. D'accord. Je trouve que l'enveloppe assurance vie est plus souple parce qu'on peut retirer des sommes sans casser forcément l'enveloppe. Bon, alors, ce qui est intéressant là maintenant, bon, tu est-ce que c'est fini? Il a répondu à tes questions ou est-ce que tu en as d'autres? Oui, global. Les sommes sont limitées? Non. Non. Donc on peut placer tant qu'on veut. Oui, il n'y a pas de montant maximum. Ça, c'est pour moi. Ah, après, donc. D'accord. Oui. Alors, ça, parce c'est là, pour toi. Ouais. Donc, on passe à toi. Oui. Allez, on passe à toi. Oui, on finit. Oui, oui, ouais, oui. On a fini avec les petits. Alors, si vous voulez... Pour les petits, les frais d'entrée seraient demandés à zéro aussi. Hein. Oui, d'accord. Évidemment. Et il vous faut une carte d'identité. Carte d'identité justificative de domicile. Ouais. Ils sont encore domiciliés chez votre fils? J'en sais rien. C'est pas clair. Ma petite fille, elle est domiciliée chez sa mère. Donc, Il faudra l'avis d'imposition de sa mère. Ouais. Ah, ou une facture EDF de sa mère, si elle préfère. Ouais. Ils sont divorcés, c'est ça? Ouais. Ouais. Et mon petit-fils, ben, je ne sais pas où il est. Il est sans domicile fixe. Oui. Je demanderai. Bon. Donc, imposition ou. Il me faut un justificatif de domicile. D'accord. Et il me faut un. Il faut un numéro d'impôt. Oui, ouais, c'est ça, il me faut le numéro fiscal. Ouais. Ouais, pour l'auto-certification fiscale. On les a quand on a. Non. S'ils sont rattachés au foyer fiscal, d'accord, ils n'ont pas de numéro, mais du coup, je suis obligé de rentrer le numéro fiscal d'un des deux parents. Bon. Oui. Ça peut être le père. Oui. Non, ou il faut que ça soit là où ils sont domiciliés. Ben, non, si j'ai une facture EDF qui justifie de leur domicile, ouais, après, moi, je peux avoir un autre, d'accord, avis d'impôt, peu importe. Bon. OK. Et le livret de famille. En plus. Oui. Je ne sais même pas s'il y en a. Ah, si. Vous dites. Ah, livret de famille de votre fils, du coup. Oui, oui. Ouais. Ah, si, il y en a un, forcément. Mais moi, on m'a toujours promis un livret de famille, jamais eu. Jamais. C'est vrai? Oui. C'est vrai que c'est pas clair. Non, mais elle a raison. Moi, j'ai eu des tas de problèmes en son temps. T'as un livret de famille, maintenant? J'ai un document d'état civil. Ah oui? C'est pas un livret de famille. C'est pas un livret de famille. Et je suis pas sûr d'avoir eu un livret de famille. C'est enfin ton ex-femme qui l'a eu, hein. Peut-être. Bon, oui. Je sais pas. Bon, voilà, ça. Normalement, le livret de famille est établi lorsque l'enfant en est. Complètement. Bah oui, mais moi j'ai jamais eu, ni pour mon fils non plus. Hein. D'accord. Bon, il est né en Bolivie, mais bon. Ah oui, c'est. Et moi, je me suis fait. Naturalisé. Ouais. Ouais, ça doit venir de là, mais après, normalement, on retourne en France. Faut peut-être le demander. Faut peut-être le demander. Ah, bon, je vais demander une fois. Bah. Et là, le livret de famille. Le livret de famille, c'est entre votre fils et les petits. Oui, mais je. Bon. Ouais. Je demanderai. Bon. Ok. Ok. Bon. Alors, c'est donc, c'est pour les petits-enfants. Si vous voulez, bon, j'ai hérité il y a quelques années, nous avons hérité de ma mère. Mmh. Et ta sœur et toi. Ma sœur et moi. Mmh. Ouais. Oui, votre sœur qui vivait en Allemagne. Ouais. Mmh. Et donc ma sœur est décédée, et donc je suis son héritière. Mmh. Donc il y a un compte où je ne veux pas tout laisser sur le même compte. D'accord. Et je veux répartir. Alors, je répartis une partie en Allemagne, parce que j'ai déjà des comptes en Allemagne. Vous m'aviez dit, oui. Vous m'aviez dit. Et en France. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai personnellement un compte à la BNP. Compte courant, donc, à la BNP. J'ai un compte. Mm-hmm. J'ai un compte sur livret aussi à la BNP. Mm-hmm. J'ai des trucs à la poste. C'est anecdotique, hein. Non. Je crois qu'il y a un livret. Oui, j'ai deux trucs. Ça, je pourrais voir, de toute façon. Je regarderai. Mais okay. Bon, si mon truc de la poste, je l'alimente quand même avec 50 euros tous les mois. Ah, donc ça doit être un plan d'épargne logement, peut-être. Bon, je regarderai. Les comptes LBP, c'est pas grave, je regarderai. J'ai un compte... ING. ING. Mm-hmm. Boursorama. Mmh. C'est tout. BNP, Boursorama, ING, oui. Et l'Allemagne. Okay, l'Allemagne, j'ai deux banques. Ok. La Paris, j'ai hypothèque en Wechselbank. Et une banque privée d'affaires. Ok. D'accord. Okay. Et au niveau de la France, quand vous dites j'ai un compte, c'est que des comptes courants en fait. Non, j'ai livré, j'ai planté ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de voir sur quel support c'est investi. Alors, je pense que, en ce qui concerne Michaela, on en parlait hier, il faut qu'elle mette bon ordre dans tout ça. Ben oui, c'est pour ça que c'est... Il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses partout. Et bon, faut... Ah oui, une offie, oui. D'accord. Nos filles, oui. J'allais vous dire, franchement, celle-là, elle ne sait même pas ce que c'est. Non, mais on disait que tu souhaitais mettre quand même un peu bon ordre dans tout ça, parce que... Oui, aussi, oui. Ouais, c'est peut-être là où il faut travailler. Alors, le travailler... C'est pour ça que vous êtes là. Hein. Oui, alors travailler, par contre, ça nécessite de voir, en fait, quelles sont les règles fiscales allemandes. Ah ben, c'est très simple. Merci, ça va m'aider. Moi, si vous voulez, sur l'héritage, aussi bien de ma mère que de ma sœur, je paye un droit d'héritage en Allemagne. Ensuite, donc jusqu'à présent, on a une expert comptable en Allemagne qui fait la déclaration. Et une fois que la déclaration est faite en Allemagne, je fais la déclaration ici. Et donc la France calcule. C'est la double peine, les impôts. Et c'est le double. Ouais. Et donc je déduis ce que j'ai payé en Allemagne et le solde est payé en France. D'accord. Parce que normalement, fiscalement, je suis rattaché en France. Donc sur le régime français. Si j'avais su, j'aurais déménagé. Et alors, on était paxé à l'époque et on s'est dépaxé au mois de juin. Oui. Tout ça pour... Des raisons d'IFI. Oui, notamment. Notamment. Et puis aussi préventivement se dire que bon, ça allait devenir extrêmement compliqué de gérer tout ça. Donc tu as un peu de boulot là. Oui. Bah, l'idée, c'est en fait, c'est au-delà d'un placement éventuel, c'est peut-être de voir un petit peu, de mettre un peu d'ordre par rapport au projet. Et puis, Pour l'instant, enfin, si, moi j'ai un projet, mais je voulais acheter de l'immobilier à Auray. Mais pour l'instant, je ne trouve pas. D'accord. Mais il faut dire que pourquoi elle ne le trouve pas, et je dirais pourquoi nous ne trouvons pas, parce que je suis dans les mêmes perspectives. Vous êtes dans la boucle aussi. Ouais. Parce que on veut quelque chose de qualité. Même bien, si c'est pour de la location, c'est... Bien placé. On veut beaucoup de qualité. Comme si, pour nous, comme ce serait pour nous. Parce qu'on part du principe que si on avait d'éventuels locataires, ça, t'as mal au dos. Non. Hein. Si on avait d'éventuels locataires, on veut qu'ils soient bien, et on veut les garder et qu'ils restent. Ouais. Voilà. Okay. Pourquoi ? Là, t'as sorti tout ton bazar, là ? Alors, à la BNP, j'ai un livret, un compte d'épargne et un compte courant. Mais je pourrais vous faire un détail comme ça. Il n'y a pas d'assurance vie. Non. D'accord. T'as pas d'action à la BNP? Il me semblait. Non, j'ai tout vendu. Ah, t'as tout vendu. Oh, il reste 1000 euros, mais... Bon, d'accord. Oui, c'est anecdotique. Quoi. D'accord. ING, pareil. Mais je vais vous faire rêver. Ouais. Comme ça, ça me permet... Oui. Après, les sommes, c'est pas... Enfin, c'est important, mais c'est pas tellement ça. C'est surtout sur quel support c'est investi. C'est ça qui est intéressant. Ça ne rapporte pas grand-chose, tout ça. Si vous voulez, d'abord, j'y comprends. Ouais. J'y comprends pas grand-chose. Il faut s'intéresser. Ouais. Et puis, pour investir et gagner de l'argent... Ou plutôt ne pas perdre de l'argent. Oui, il faut... Alors, j'ai un banquier en Allemagne qui... De la banque privée. Lui, il était dans l'autre banque avant, donc on se connaît depuis très longtemps. D'accord. Et bon, lui, il a le droit d'investir sur une partie. Oui, il y a une délégation de gestion. Ah oui. D'accord. Donc, c'est lui qui investit. Et, En fonction de ce qu'il pense judicieux. Ok. Ouais. Sur les banques allemandes, j'ai un compte dépôt aussi qui rapporte un peu, mais je sais même pas qui gère ça parce que jusqu'à présent nos comptes étaient communs avec ma soeur. Ah, d'accord. Comme on a hérité ensemble, on avait laissé ensemble. Okay. Okay. Donc ça, il faut dépaytouiller. Il y a la poste, c'est un... La poste, j'ai un compte courant. Oui. Et puis je dois avoir un compte d'épargne ou un livret. Okay. Voilà. Okay. Mais je vais faire le détail. Ouais, c'est bien, ne serait-ce que pour toi. Ouais. Ok. Ouais. Ce qui veut dire aussi, c'est que si tu achetais quelque chose en France, il faudrait démontrer l'origine des fonds. Oui. C'est une question que je pose. Hein. Oui. Oui, mais c'est facile. De toute façon, c'est facile, facile parce qu'il y a la succession de toute façon. Il y a la succession ouais. Et puis... C'est pas là où c'est le plus compliqué. C'est, ouais. c'est pas là. La banque le déclare au fisc aussi. Hein. Maintenant, ils vous demandent votre compte fiscal. De toute façon, n'importe quel contrat qu'on va ouvrir aujourd'hui, on demande l'origine des fonds. Ouais. C'est obligatoire. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est pas un problème. Non. C'est pas un problème. Non. Bah, là, c'est tout est normé. Il n'y a pas de fonds. C'est des fonds qui peuvent être tracés. Mais oui, il y a une traçabilité. Bon, d'accord. Ok. C'est depuis très longtemps d'ailleurs. Okay. Voilà. Donc voilà. Donc moi, pour moi, j'aimerais ouvrir. J'ai pas assez de comptes, donc un compte de plus qui rapporte un peu. Oui. Et à hauteur de quel montant? Si vous aviez dit 200 000 euros la dernière fois. Oui, entre 200, je dirais, suivant ce que vous me proposez, entre 200 et 500. D'accord, ok. Vous voulez que je vous fasse des propositions maintenant? Bah, ou peut-être vous réfléchissez. Oui, ok. Là, on peut. Ça peut être vite réfléchi. Hein. Oui, mais alors. Mais j'avais juste une question. C'était est-ce que entre les 200 et les 500, est-ce qu'une partie sera dédiée éventuellement à l'achat doré? Est-ce que vous aurez besoin de cet argent placé? Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Non. Okay. Non. J'ai encore des fonds. Non. Ça peut être placé. Ok, d'accord. Ok. C'est bien de poser les bonnes questions. Alors, c'est son métier. Ah, ouais, mais on va un peu complexifier la chose. Ça m'aurait étonné. Mais bon, tu vas voir comment. J'ai un peu réfléchi au truc. Bon. Est-ce que tu en as terminé? J'ai fini. Juste une dernière chose. Sur les comptes que j'ouvre, je voudrais tout de suite qu'il y ait une procuration pour Claude d'accord. Et pour mon fils. Okay. Et que ça soit actuel, non pas à ma mort, mais tout de suite. D'accord. Ok. Voilà. C'est possible. Bon. Moi qui vais devenir riche, alors. non, je plaisante. Bon, voilà. Alors, on passe à moi? Oui. C'est bon? Ouais. Reste là, Cyril. Oui, je suis là. Il sonne. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu as fait le point un petit peu de mon petit patrimoine? Patrimoine BPE. Oui, BPE. Bon, comme tu en as l'essentiel. Alors, contrat émeraude. Ah oui, mais alors attends. Ça, c'est intéressant parce que cet été, je me suis amusé à... Ah oui, c'est valorisé à aujourd'hui. Hier, j'ai fait hier. Ou hier, ouais. D'accord. La question que je pose, c'est sur ce petit délai, parce que nous sommes... comment dirais-je... Allez-y, hein, c'est pas grave. Voilà, il se fait le soleil. Il va venir le soleil, hein, d'ailleurs. Oui, ils annoncent du beau temps, oui. Bon, c'est pas grave, je ne trouve pas. Bon, donc, ce que je voudrais savoir, c'est l'écart qu'il y a entre hier et aujourd'hui. Ah, je n'ai pas sorti aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, entre hier et lorsque j'ai investi. Ah oui, d'accord. Tu l'as? C'est ça qui m'intéresse. J'ai les montants en tête, oui. En fait, il y a eu 260 000 euros d'investis sur Emerald. D'accord, ouais. Donc, il y avait eu 250 000 euros au départ, puis 10 000 euros sur Pictet et AXA. Mm-hmm. Bon, mais tu as ça en tête. Ah moi, ce que j'aurais aimé, c'est que tu arrives en me disant, voilà, tu as gagné ou tu as perdu tant. Alors, là, il y a eu un gain de 1050 euros. Sur Emerald. Oui. 1050, d'accord. Ouais. Là, 315. Et comment tu sais ça, toi? Parce que vous avez mis 122 500 sur chaque contrat. 315 euros. Mmh. D'accord. Là, 315. Pareil, c'était le même. Ouais. Et là, les Pierre Val n'ont pas encore commencé à distribuer les revenus. Donc, on est à 50 000 euros d'investissement. D'accord. Pourquoi là, il y a plus que là? Ouais. Parce que là, il y a des SCPI. Et les SCPI, quand on achète à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, il y a quand même les frais d'entrée. Hein, donc, toutes les sommes qui ont été mises en SCPI ont amené 10% de frais d'entrée. Donc, les 10% de frais d'entrée ont été rattrapés partiellement par le Action Citoyen, parce que là, vous aviez mis 25 000 et vous êtes à 27 000 sur le mandat. D'accord. D'accord. D'accord. Bon. Alors, non, parce que moi, j'ai fait un tableur dans lequel j'ai mis tout ça. On va voir juste un peu ce qui se passe. Le problème, c'est que c'est pas très favorable de manque de lumière. Bah, tu peux pas foncer. J'ai pas envie de me casser la tête. Ouais, c'est vrai, j'ai pas envie de me casser la tête. Je préfère que tu le fasses pour moi. D'ailleurs, tu me l'as déjà dit que tu le faisais. Mais il faut continuer. Et tu vas voir comment on continue. Mes placements, et voilà. Alors, Pierre Val, j'avais mis 50 000. C'est bon. Livret d'initiative rurale, 485 000. 485, pas 481. Non. Et alors ? Il y a 483. Mais tu me dis 481, là. Oui. Moi, je te dis 485. Non, là, c'est le bon montant. Donc après, il faudra qu'on explique pourquoi il y a 4 000 euros de moins, parce que ça ne peut que monter, le livret. Mais c'est parce qu'il y a eu certainement des opérations qui ont été faites. Mais on est bien à 481 300. Bon. Ouais, mais je regarderai. Hein, ah oui, oui, oui, je veux des explications là-dessus. Ah bah, évidemment. Hein, il faut que je note ce que je dois faire. C'est pour ça que ce serait intéressant si tu veux. Bon, là, t'as mis les montants, mais qu'on ait l'avis du truc, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, je pourrais remettre les montants initiaux juste à côté, comme ça on voit après l'évolution. Ça serait bien. Ouais, pas de problème. Hein, comme je fais moi. Ouais, d'accord. Ouais, je contrôle ce que t'as fait. Je suis bien logique. D'accord. Pourquoi baisse de 400 euros. Hein, tu me donnes réponse. Bien sûr. D'accord. Alors, après, contrat de capitalisation, 122 500. Bon, voilà, ils sont là, 122 500. D'accord. Ah, c'est ça, je le surveillais. Où est-ce qu'ils sont mes... Dites-moi. Si, je sais. AXA et Pictet. Sont là. Ah oui, mais ça ne va pas, ça. Parce que AXA et Pictet, j'ai mis 5 000 sur chaque. Ça fait 10 000. Oui. Bah, 5136 et 5035. Ça fait 10 000 et quelques. Ouais, mais comme tu as mélangé ça au contrat émeraude. Oui, parce que le support, l'enveloppe en fait assurance vie, elle accueille les deux. Non, mais attends, il y a 122 500 d'un côté et, 5 000 de l'autre. Où est-ce qu'ils sont? 122 000. Mais si ça, c'est le cumul de tout ça. Non. Il me manque des sous là. Non, non, non. Les deux 122 500 sont là. Oui. 122 500, c'est ce que j'ai mis. D'accord. Mais d'accord. Attends, mais plus 5000 que j'ai mis le 8 juillet. Non, les 5000, ils sont là. Pictet et AXA, ils sont là. Ils sont dans les. Vous aviez dû noter au départ 250 000 sur Emerald. J'ai noté 122 500 et 122 500. Ça, c'est sur les contrats de Capi. Oui. Mais sur le contrat Emerald, vous aviez noté combien ? Alors, pour le plus gros ? Emerald, 175 000. Ah oui, d'accord. Oui. Et 75 000. Voilà. Donc, ils sont là. D'accord. Plus les 10 000. Parce que là, si vous faites 175 plus 75, ici, Vous êtes à 250. Ouais. Plus les 2 fois 5. Ça fait 350. 250, ça fait 260. 260. Et là, ouais. Vous êtes à 261,050. Donc non, non, c'est bon. Contrat émeraude, vous aviez noté 175 et 75. Oui. On est d'accord. Oui. Donc ça fait bien 250. Oui. Donc là, on est à 261 sur le contrat émeraude. Oui. Parce que se rajoutent les 2 x 5000 de AXA et Pictet. Oui. D'accord. Voilà. Et c'est, c'est AXA et Pictet, 5000 d'un côté et 5000 de l'autre. Oui. L'un est devenu 5136 et l'autre 5035. Exactement. Pourquoi ? Parce que là, il y a eu une hausse du marché à Lyon, un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'elles ont. Attends, il y a eu la hausse, oui, mais il y a une sacrée baisse il y a 4-5 ouais. jours. Et donc... Oui, elles étaient plus hautes que ça, j'ai regardé, hein, elles étaient plus hautes que ça en début septembre. Hein. Ah. Mais comme il y a eu un retournement de marché au niveau faute américain. Faute à Trump. Oui, ouais, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Bon. Oui, parce que je le regarde pas tous les jours, hein, mais pas loin. Mais alors, attends, quand même un truc qui me gêne. Hein? Les voisins n'entendent pas quand on parle. Il n'y a pas de voisins là. Ah. Ils sont là-bas. C'est un garage. Ah, ils sont à l'autre bout là-bas. Oui, donc. Donc c'est dans la chambre. Non, et puis comme c'est des bons amis. Et puis ils sont vieux, donc ils sont plus chauds. J'ai pas de calculette là-dessus. Je donne pas la mienne parce que je ne sais jamais. Pourquoi ? Ah. Alors, bah tiens, tu vas faire l'opération. Attends, il faut que je trouve ma calculette. Ah, bah attends, mais là, je peux faire un calcul par contre. Là, voilà. Alors, dans les. Parce qu'il y a un truc qui ne casse pas, quoi. On est bien d'accord que les sous-totaux sont là et que les totales sont là. Oui. Bon, il m'en manque un bout. Ah, 27. 862. Donc, il faut additionner. Alors, là, j'ai peut-être fait une erreur. Hein. 27 872. Plus 67 615. Plus 27 028. Oui. 522 515. Oui, alors j'ai peut-être. Enfin, la valorisation hier était à 122 815. Mais c'est ça, hein. Quand on fait les trois, c'est bon. Alors, 122,815. Bon. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté mon contrat de CAPI. C'est le contrat émeraude, hein ? Non. C'est le contrat capitalisation oui. Multi support. 122,500 plus 122,500. Voilà. Tu veux additionner ? 122,500 ? Oui. 250. Ça fait 250. Oui. OK. Plus 50. De Pierre Val ? Non, de AXA. Plus 5000 de AXA. 5000. Qui sont là, qui sont dans le contrat émeraude. Là, j'ai tout compartimenté. Il y en a partout. Non, en fait, vous avez les trois contrats principaux, hein, si on laisse tomber les comptes sur livret, ouais. etc. Mmh. Et vous avez sur chaque contrat les sous-supports qui sont dans chaque contrat. Mais j'ai compris. Pourquoi ça ne cadre pas, si tu veux. Moi j'ai repris ce que j'ai repris ce que j'ai acheté. Et dans ce que j'ai acheté... Ah oui, c'est ma vieille. Si, ça cadre. Ça cadre. Ça cadre. C'est juste que... Merci. C'est juste que AXA et Pictet ne sont pas sur des comptes à part. Mais ils sont intégrés dans le contrat émeraude. C'est tout. Et en fait, quand on fait... Non, mais là, c'est bon. Quand on fait les deux contrats de CAPI, 122,500, 122,500, oui. Et après, si on intègre les quatre lignes ici, 175 plus 75, on est à 250, plus les 2 x 5000, on est à 260. 260. Et là, j'ai 122 plus 122. Non. Ah, 260. Voilà, 260, voilà, c'est ça. Je me trompe voilà, de c'est ça. 260. En fait, votre tableau est bon. Il faut juste que les quatre dernières lignes ici, elles soient dans la même enveloppe. Oui. Bon. Hein, vous avez quatre lignes là, oui. Ici, qui correspondent à vos quatre dernières lignes ici. Bon, d'accord. Ok. Bon. Donc, j'ai pas perdu d'argent. Non. Non. Tout ce qui a été investi pour l'instant en action est en positif. Bien. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Oui. Passons. Pensais que c'était ça, moi, les choses sérieuses. Non. Merde. Ça, c'est le... Comment dirais-je? Ça, c'est le passé. Oui. Moi, je vais te parler de l'avenir. Oui, moi aussi, il faut que je vous parle de l'avenir. Tous les deux, d'ailleurs, parce que... Ouais. Tu vas commencer. Oui, je veux bien. Allez, vas-y. Tout simplement parce que de temps en temps, à la banque privée, il nous arrive en fait de sortir certains fonds structurés. Donc on n'en fait pas tous les ans. On en a fait deux cette année, mais c'est exceptionnel. Et là, il y en a un qui sort. Mm-hmm. Et dans son fonctionnement, moi, il me semble intéressant. Je vous explique. Mm-hmm. En schéma, ça va être plus simple. Ouais, comme vous voulez. Ouais. En fait, c'est un fonds qui est sur maximum 10 ans. D'accord. Pendant un an... Il a un nom. Oui, il a un nom. Tu le connais pas par cœur? Si, si. BPE, non mais je vous donne un paquet. BPE Euro Autocall 2030. Voilà. C'est un fonds... BPE voilà. Euro... C'est un fonds, en fait, qui... Va pas trop vite. Tu vas perdre tes clients. BPE Euro... Autocall 2030. Autocall. Autocall. Ah, en anglais. J'ai pas remarqué que tu parlais anglais. Mais c'est normal, je parle pas très bien anglais. Pas lui non plus. Non, vous parlez bien, vous. Non, oui, elle parle américain, ouais. Ce qui est loin de Shakespeare. Oui, bon, quand même, ça aide. Alors, 2032. Alors, 2032, ça veut dire que si 2030, c'est sur... 2030. 20, 10 ans. Ah, 2030. D'accord. Ok, oui. Mm-hmm. Donc, c'est un fonds où il va y avoir un indice de constitué. Ouais. Cet indice de constitué, il va être composé de 50 grandes capitalisations européennes. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, il y a 200 capitalisations européennes qui sont choisies, 200 mm-hmm. entreprises. Et en fonction, en fait, de qualité financière, mais également extra-financière, donc mm-hmm. avec tout ce qui est environnemental, etc., mm-hmm. Le gérant va en choisir 50. D'accord. Ces 50-là ne sont pas forcément figés. C'est-à-dire que si à un moment, au cours de la vie du fonds, il voit qu'il va bien, ou qu'il y en a un qui n'avait pas été sélectionné, mais finalement qui va bien, il peut intervertir et changer sa capitalisation. Il a une marge de manœuvre. Il a une marge de manœuvre qui est complète. Donc voilà, l'indice de référence, c'est 50 grandes capitalisations européennes. Mm-hmm. D'accord. Alors. En janvier 2021, mm-hmm. on va regarder donc la valorisation de l'indice. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas, imaginons qu'il soit valorisé à 100. Hein, ouais. La base du calcul, c'est 100. Ouais. Pendant un an, il ne se passe rien. Ouais. Par contre, dès l'instant où la première année sera passée, et ouais. c'est là où c'est le plus important dans le fonctionnement, c'est qu'on va regarder tous les jours, donc de un an à 10 ans d'existence de fonds. Ouais. Donc, pendant 9 ans. Ouais, tous les jours, il va y avoir une constatation quotidienne, et ça, c'est une grande première. Hein. Généralement, les constatations sont soit une fois dans 10 ans ou une fois tous les 2 ans. Là, c'est une constatation qui va être faite tous les jours. Si l'indice fait 0 ou plus, le placement s'arrête, et vous avez une distribution de 6,60 par an. Pendant les 9 ans. Non. Si au bout d'un an, ouais. il fait 0 ou plus, vous aurez 6,60. Et pendant un an, ça vous aura rapporté 6,60. D'accord. Si par exemple, par contre, au bout d'un an, le scénario est défavorable, ouais. donc on est en négatif, mm-hmm. et que ça augmente au bout de 4 ans, ouais. vous aurez 6,60 x 4. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Et le placement s'arrête également. Mm-hmm. Donc après, il y a le risque que ça soit négatif pendant la période des 10 ans. Ouais. Et là, en fait, si la perte est comprise entre 0 et 50%, le capital est protégé. Donc, perdre 50%, il faut déjà y aller. Le capital est protégé. Donc, si c'est 51, c'est... Perte sèche, par contre. Ouais. Voilà. C'est le seul risque. Mais le plus important, c'est la composition du fonds, la constatation quotidienne, parce qu'on sait très bien que sur 10 ans, même s'il y a des turbulences boursières liées à la crise sanitaire, il y aura un moment des hausses qui peuvent être importantes. Ouais. Et donc, ce qui permet en fait de sortir tout de suite du placement et d'avoir du 6,60. C'est écrit quelque part, ça? Oui. Où? Bon, alors, je vais vous donner la plaquette. Ce que tu nous dis, c'est marqué. Est-ce qu'il y a un exemple chiffré? Alors, il y a un scénario défavorable, scénario médian, scénario favorable. Très bien, d'accord. Mm-hmm. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Mm-hmm. Hein, le scénario défavorable, c'est on est en dessous des moins 50%, donc mm-hmm. la perte sèche. Ouais. Perte sèche de tout le capital? Non, de la perte de l'indice. Si vous faites moins 51%, vous perdez 51%. Il te reste 49%. Exactement. Mmh. Scénario médian, c'est si la baisse est comprise entre 0 et moins 50%, mmh. où là, vous récupérez le capital que vous avez mis au départ. Mmh. Et scénario favorable, bah, au bout d'un an, le placement s'arrête, vous avez une distribution de 6,60 par an. Mmh. D'accord. Bon, et vous pouvez arrêter le contrat en cours de route. En cours de route. Oui, sauf que vous non, mais vous arrêtez à la valeur liquidative du jour. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que s'il n'est pas sorti, il est forcément négatif. Mmh. Donc si vous arrêtez de votre propre chef, du coup, il n'y a plus la promesse financière qui est dite, et d'accord. ça veut dire que vous perdez un peu de capital. Et les sommes minimum, c'est minimum, maximum. C'est plutôt des sommes maximum, quand même. C'est-à-dire que par rapport à je peux me baser peut-être sur Claude par rapport à sa répartition, par exemple. Prendre 40 000 euros sur le compte sur livret et peut-être réarbitrer du fonds euro vers ce fonds-là sur les contrats de capi et l'émeraude, c'est-à-dire arriver à peu près à 90-100 000 euros, ça me paraît un maximum. Mmh. On recommence. C'est-à-dire que par rapport à la situation ici existante... Contrat de capi, 2 fois 122 000. Alors, déjà... On raisonne sur une fois. Compte sur livret. Oui. Vers émeraude. 4... Ah, d'accord. Donc 40 000 euros. Attendez, c'est pas fini. Hein. Oui. Donc là, ça serait de l'argent frais, puisque ça viendrait du contrat de capi. Ouais. Du compte sur livret, excusez-moi. Oui. Oui. Fonds euro, émeraude, vers l'autocall, 20 000. Mm-hmm. Et 40, 60. Et. Fonds euro, contrat de capi, autocall, pour chaque contrat, 20 000 et 20 000. D'accord, tu répartis ça sur deux contrats. Trois. Sur deux contrats. Deux contrats. Trois. Elle a raison. Il est où le troisième? Les deux contrats de capi. Ah oui. Arbitrage de 20 et 20. D'accord. Arbitrage 20 et argent frais 40. Donc d'accord. Ça fait 60 000 euros d'investissement, quoi. Ça fait 100 000. Oui, 60 000. Ça fait 40 000 euros d'argent frais qui partiraient du compte sur livret, et 60 000 euros qui seraient réarbitrés autrement à l'intérieur du contrat. Mmh. Et ça vous concerne tous les deux. Mmh. Parce que forcément, par rapport à ce placement-là, alors il est contingenté, hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. D'accord. Par rapport à ce placement-là, c'est clair que dans la proposition... Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils gagnent des sous. Alors comment ils gagnent, je ne sais pas. Alors, je vais te dire comment ils gagnent. La première année, ils ne reversent rien. Si. Ben non, tu m'as dit que la première année, elle était blanche. Il ne se passe rien au niveau des constatations de l'indice. Ah. Mais si vous rentrez... Il ne se passe rien. Non. Donc, si vous rentrez en janvier 2021, d'accord ? Oui. Et qu'en février 2022, donc à la première constatation, vous êtes à plus par rapport à l'indice de départ... Vous avez le placement s'arrête et vous avez les 6,60. D'accord. Le placement s'arrête. Oui. Mais il faut que le placement s'arrête pour que je touche des sous. Oui. Oui. Et s'il ne s'arrête pas. Et s'il ne s'arrête pas, les 6,60, ils viennent abonder. Si ça ne s'arrête pas, en fait, tout va dépendre de la date de constatation. Si l'indice, dès l'instant où l'indice va faire 0 ou plus par rapport à l'indice de référence de départ, le placement s'arrêtera. Donc est-ce que ça sera au bout d'un an, au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans? On ne sait pas. Mais quoi qu'il arrive, dès l'instant où ça fait 0 ou plus, vous avez 6,60 par an. C'est beaucoup, relativement beaucoup. Oui, c'est, bah, c'est bien, oui. Ouais. Alors, comment mais il y a, bon, il y a des risques aussi. Le risque, il est au final que la perte soit plus de 50%. Hein, plus de 50%, même en 2003, ou quand même enfin, entre 2000 et 2003 et 2008, on n'a jamais été en, à 50% de perte au niveau du marché action. On y a frôlé. Mais en 2020 oh, bah, 2020, on en est loin. D'accord. Pour l'instant, on en est loin. Pour l'instant. Pour l'instant. Mmh. La crise aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a donc, qu'en 2000 ou 2008. Tout à fait, tout à fait. En 2000, fait. C'était l'explosion de la bulle Internet. Oui. Et 2008, c'était encore plus grave, c'était une crise financière. Crise financière. Là, on n'est pas en crise financière, on est en crise économique, liée à un événement ponctuel qui va se régler à un moment, forcément. Qui peut devenir une crise financière. Pas pour moi. T'en achètes de ça? Moi? Oui. Ah oui, j'en prends tout le temps. Dès qu'il y en a un, j'en prends. Pas beaucoup, mais j'ai pas les mêmes surfaces financières que vous, mais j'en prends, oui. T'en prends? Oui. Bien donc sûr. Tu crois à tes produits? Ah, mais tous ceux qui ont été créés auparavant, ils n'auraient pas toujours le même fonctionnement, mais c'est à peu près pareil. Ils sont tous sortis avant l'échéance des 10 ans. Tous. D'accord. Donc il ne faut jamais dire ça n'arrivera jamais, mais. Le passé fait qu'ils sont tous sortis avant l'échéance des 10 ans. Tu veux recommencer l'explication de ce que tu viens de dire là. Du placement oui, du placement, oui. Ouais. Ouais. Comment? Excuse-moi, hein, mais je suis un peu bouché. Moi. Non, mais on va refaire. À 0, 10 ans. Si on se base sur un indice de départ de 100. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Si, au bout d'un an, l'indice fait 0 ou plus, le placement s'arrête par rapport à son indice de référence. Hein, le placement s'arrête et vous avez une distribution de 6,60. D'accord. Première année, d'accord. Voilà, d'accord. D'accord. Si en revanche, la première année, l'indice est en dessous, le placement continue. D'accord. Est en dessous de l'indice de départ. D'accord. Le placement continue. Donc il continue, et au bout de 3 ans, il fait 0 ou plus. Mm-hmm. Donc là, vous avez 6,60 x 3. D'accord. Donc 6,60 par an. Si par contre, ça n'augmente toujours pas, on va arriver, bah, par exemple, 7 ans. Ça remonte, vous faites 0 ou plus. Donc on a 6,60 x 7. Donc, ça, c'est la base. Hein. Et si, en revanche, au bout des 10 ans, l'indice... perd 50%. L'indice est compris entre 0 et moins 50%, capital protégé. C'est-à-dire que vous récupérez le capital de départ. Et si c'est 51, tu perds... Voilà, de 0 à 50, capital protégé. Et au-delà de supérieur à 50% de perte, perte sèche. Je perds tout. Oui. Mais qu'un marché action sur 10 ans soit toujours en négatif par rapport au niveau actuel... Jusqu'à présent, non. Ça ne voilà. S'est jamais vu. C'est exactement Je ça. Suis d'accord. C'est exactement ça. Et qui fixe l'indice? L'indice, il est fixé par les 20 grandes capitalisations, les 50 grandes capitalisations européennes qui vont être choisies pour d'accord. L'indice. Mmh. Et le plus important dans ça, c'est quand même la protection du capital, puisque à moins 50%, on est quand même capital. Mais c'est la constatation mensuelle. Tous les jours, on sait que votre contrat, il va être regardé, et dès l'instant où c'est zéro ou plus, le placement va s'arrêter. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, donc, en fin de compte, si je comprends... Et ça s'appelle autocall. Oui, autocall, parce qu'il y a un appel de l'indice tous les jours, en fait. Je comprends, moi, maintenant, quelque chose. On revient sur des vieux schémas boursiers d'investissement à la baisse. Mmh. C'est bien l'investissement à la baisse dont tu viens de parler. Non. Parce que c'est quand même un investissement où ça nécessite que par rapport à l'indice de départ, il y ait au moins un moment le même indice qui arrive au même niveau. Oui. Mais dans l'intervalle, oui. J'ai investi à la baisse, oui. Et malgré tout, je récupère mon capital. Oui. Donc, c'est bien ce que je te disais. On est sur de l'investissement. Tu demandais comment la banque gagnait de l'argent, oui, là-dessus. Je pense que les chefs de ce produit réinvestissent, si le capital baisse, ils investissent, oui, à la baisse, eux aussi. Oui. Alors, il y a ça. Et en contrepartie, ça monte. Oui. Sauf que, quand on a eu mai 2020, les gens qui ont joué comme ça, ils ont perdu. Ils ont perdu parce que, en fin de compte, ils trichaient par rapport au système. Oui. Si je te parle comme ça, c'est que j'ai un ami, et je pense à Philippe, à Jean-Philippe, et qui m'a bien expliqué ça, et où il a tout, avant mai 2020, il gagnait de l'argent, mais il gagnait bien, ouais, genre, même à la baisse. Ouais. Oui. Mais arrivé 2020. Mais quand tu joues comme ça, il faut pas. C'est sur un long terme que. C'est ça. Ouais. Et non, puis non, là on est d'accord. On est sur un produit qui est relativement structuré, où, à part le laisser vivre, il n'y a rien à faire, quoi. Ouais. Donc c'est à eux de faire leur boulot derrière. D'accord. Ouais. C'est aux gérants de faire leur boulot, le boulot derrière. Et le gérant, c'est le BPE. BPE, par contre, le BPE, ouais, Eurotocall, c'est la Société Générale, le partenariat qui le crée. Ah, c'est avec la Société Générale. Ouais. Parce que j'ai vu un produit identique à peu près chez Boursorama. D'ailleurs, je t'en avais parlé en son temps. Je ne me rappelle plus, Claude. Bah. Et qui faisait quelque chose comme ça. Bon, je pourrais le retrouver. Ils avaient fait une conférence sur Skype. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ça, je t'ai appelé, j'ai dit, voilà, quelque chose qui peut être intéressant. Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Non. Bon, pour ma part, eh ben, on va mettre quoi là-dessus? Alors, dans la préconisation, il y avait peut-être... Et c'est quand? Ouais. C'est maintenant. D'accord. C'est maintenant, ouais. Ouais. En fait, la constatation de l'indice se fera en janvier 2021. Mm-hmm. C'est maintenant, parce que comme c'est contingenté, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. D'accord. Donc, il faut réserver et envoyer les sous. Ouais. Bon. Donc, en fait, ça serait... 40 000 euros qui seraient pris sur le compte sur livret. Donc de 481, on passerait à 441. Mmh. Et arbitrer 20 000 euros du cachemire, 20 000 euros de chaque contrat de capi. D'accord. Sur ce support-là. Alors, d'accord. Pourquoi tu me dis 40 000 si je veux mettre moins? Oui. Je peux. Bien sûr. D'accord. C'est moi, c'est un plus. Vous me dites, est-ce qu'on peut... Il y a moins, il y a plus. Le plus, c'est de dire, il y a 1 million de surface financière sur ce placement-là, c'est de ne pas dépasser à peu près 10%, 10-15% de la surface financière globale. Donc, si vous mettez... Donc, ça fait 100 000, là. Hein. Voilà, c'est ça. Si vous mettez 100 000, ben on y était. Hein. Dans ton calcul. Bien sûr. Ouais. Si vous mettiez 100 000, on était au 10%. Donc là, c'est tout à fait cohérent et acceptable. D'accord. Bon, je mets 100 000, moi aussi. T'as vu comment on joue? Oui, mais il faut que je vous fasse une proposition globale. Vous... Non. Tu lui mets 100 000 à elle et puis 100 000 à moi. J'ouvre un compte? Oui. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui te gêne? Non, mais soit je l'intègre dans ma proposition de 200, 500 000 euros, ou soit on fait vraiment à part. Ouais, on peut l'intégrer. On peut l'intégrer, oui. Il ouais. Faut que je vous fasse la proposition rapidement, du coup. Bah oui. Ouais, ouais. Okay. Et surtout un numéro de compte, rapidement. Parce oui, que ouais. Faut virer des parce que, et du coup, ce contrat-là se met à l'intérieur, soit d'un contrat d'assurance vie, émeraude, hein, soit un contrat de capi. Bon. Soit un contrat de capi, c'est l'un ou l'autre. Et on peut déjà commencer par ça. Oui, bien sûr. Ah bah c'est oui, bien, oui, ça. Bien sûr. Bien bon, sûr. Alors, tu as déjà gagné 100 000. Non, c'est pas gagné, c'est... Ouais. Bon, et puis moi, je propose que aussi je mette la table et... Ouais, attends. Oui, moi, il faudrait qu'à 3 heures, je parte, parce que j'ai rendez-vous à 4 heures à Val. Il a peut-être d'accord. Faim. Bon, oui, il a faim. Non, ça va. Bon, ça va. Écoute, on va continuer. Ça commence un peu, hein. On va continuer. Donc, je mets 100 000. dans la répartition qui a été donnée. Que tu viens de... Ok, hein, d'accord. Alors, mais tu me confirmes bien tout ça par écrit, comme d'habitude. Que les choses soient claires. Hein. Et s'il y a des frais, il y a des frais ? Non, les frais d'entrée, je les prendrai pour moi, comme d'habitude. Comme d'hab. Oui. Et les pareil frais pour de sortie, vous. Et les frais de sortie ? Non. Pas de frais ? Non, juste les... Comme ce qu'on a évoqué pour les petits-enfants, c'est que si vous sortez avant les 8 ans de l'assurance vie, il y aura 12,8% sur les intérêts. Ouais. Mais c'est la fiscalité, ce ne sont pas les frais liés à la banque. D'accord. D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Bon. Bon, moi j'ai besoin d'un numéro de compte. Pour mettre les 100 000. Bah oui. Oui. Je ne les ai pas là dans ma poche. Okay. Et puis pour tes petits-enfants aussi. Mes petits-enfants. Alors, pour mes petits-enfants, je... Je vous réfléchis. Non, je ne réfléchis pas, mais je veux terminer l'expert comptable doit me faire le compte pour les impôts pour la fin du mois. Et je veux payer les impôts avant de faire les donations. Parce qu'après, ils vont, des fois qu'ils ont envie oui, encore oui, de... Oui, ok, je comprends. Ok. Donc... Je sais pas si par ça contre, ça pour, calcul. Je vous avais envoyé un mail, Madame Spielvogel, pour les ouais. pièces justificatives. Oui. Parce qu'il me les faudra si je veux ouvrir un compte. Pour moi. Oui. Ouais, ouais. Bah, vous allez avoir ça. Ok. Dans 5 minutes. Ah bon pour, bah, pour moi. Avant le déjeuner. Après le déjeuner. Ah, bon. Sinon, je vous l'envoie par mail dans l'après-midi. Oui, c'est pas besoin. C'est clair. Et du coup, par rapport à un quiberon, la résidence senior, alors, il faut qu'on l'aborde ça aussi. Alors, la résidence senior, ma position est la suivante. Enfin, votre position, tous les deux. Oui, oui, oui. Non, je préfère que tu demandes à Michaela, parce qu'on n'a pas, on en a, à un moment donné, je lui dis, moi, je ne vais pas plus loin. Bon. Pourquoi je ne vais pas plus loin, comme je te l'ai dit, parce que, d'une part, il me pose la question de la résidence senior. Bon, je réponds pour nous deux. Oui, oui, oui. T'es d'accord? Bon. Si je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je le dirai. Voilà. Bon. Et à partir de là, la construction elle-même, est situé dans un endroit qui peut devenir... Bruyant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai réfléchi un peu à ce que vous aviez dit. Bon, ouais. Les hauts vents sur les fenêtres, c'est quand même rare d'avoir des hauts vents en construction. Oui, mais c'est bien. C'est bien, mais parce c'est que là, c'est exposition plein sud. Oui, je sais, vous m'avez dit. Et t'as le soleil toute que, la journée. Par contre, s'il y a un skatepark ou tout ça, ça peut... Voilà, il y a un skatepark. Ils vont peut-être faire un skatepark pour les vieux aussi. Hein. Oui, puis comme vous bien, dites, hein. Ils sont sourds avec tout ça. Donc, merci. Voilà. C'est gentil hein, d'inviter. Merci beaucoup. Pourquoi ? Je t'ai toujours dit. Oui, mais ça fait plaisir. Mais quoi ? Non. Mais attends, c'est agréable. Je tiens mes engagements. Toujours. C'est vrai. Bon. Alors, tu peux toucher mon couteau. Normalement, oui, il n'est pas contaminé. Ouais. Donc, c'est bien dommage, parce qu'on y est retourné quand même trois fois. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, oui, on y est retourné trois fois. On a demandé à la mairie le dossier de permis de construire. Ouais, j'ai dit, oui. J'ai le dossier de permis de construire. Et c'est au vu de ce dossier que je constate quoi. Ça peut être bruyant. Parce qu'il n'y a pas que le skate. Alors, le skate, ils l'ont neutralisé, paraît-il. Pour l'instant. Pour l'instant. Mmh. Bon. Mais il n'est pas voté. Hein. Ouais. Bah, ouais, il n'est pas voté, mais il est construit quand même. Hein. Il existe. Si c'est en projet. Ils ont mis du sable dessus pour que les gens n'y aillent pas. Pour que les gens n'y aillent pas. D'accord. Et. Comment dire ? Merci, ça. Et. Alors, moi, j'ai une question technique. Du rouge, du blanc ou du rosé ? Bah, ça dépend. Dis ce que tu as. Dis ce que tu amènes. Bah, j'ai un peu froid, un peu de poisson, un peu... C'est qu'est froid. Plutôt un verre de blanc. D'accord. Si ça vous dérange. Ah ben ça va, on a fait le plein dernièrement. Vous en prenez, vous, hein, sinon j'en prends pas. Ah oui, oui, oui. Non, non, non, non, attends. Voilà. Et donc... On a toutes les couleurs. Oui, oui. Ah ben avec elle, j'en vois même en plus de toutes les couleurs. Donc, il y a ce point-là, il y a le stade de foot hein, aussi à côté. Ouais. Bon, alors le stade de foot, c'est le dimanche, quoi. Oui, c'est pas trop grave, ça. Et puis, ils ont prévu une voie verte qui va du centre-ville à Boralega Ouais. et qui passe juste devant. Et ça, vous pensez que ça plairait pas au petit vieux? J'y ai pensé après. Bon, À alors, regarder un peu les gens passer et tout ça. ça peut, mais ce qu'ils ont fait, ce qui est prévu hein, au niveau du permis de construire, ils bétonnent toute cette voie, donc verte, c'est moyen, moyen, et ils bétonnent avec un béton strié. Ce qui fait que s'il y a des gamins qui commencent à passer en skate Ça va faire tac tac tac, ça fait bien. là-dessus, quand tu as le chemin de fer, Ouais, c'est il y ça. aura ce... Bah, ça. Le soleil, l'exposition est bonne, hein? Moi, c'est ça qui m'avait intéressé. Je trouvais intéressant. Voilà. Voilà pourquoi je ne vais pas D'accord, plus loin pour l'instant. ok. Bon, tu ne perds pas aux chances puisque tu viens de gagner 100 000. Oui, non, c'est pas question de ça. Ben, si, c'est Non, question de non, ça. non, c'est après de savoir. Parce que j'ai téléphoné à mon collègue, du coup, Mais, pour lui, pour tu lui as l'informer, hein, dit? tout simplement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il ne raisonne Bah, pas comme ça. il disait quand même que malgré l'environnement, peut-être avec le bruit ou tout ça, Quiberon était quand même une valeur sûre. Voilà, il restait un petit Non, mais peu. attends, je suis complètement Ouais. d'accord. Et je le crois toujours. Moi, je ne suis pas si sûre. Au train où les choses vont. Par rapport à quoi, un petit peu de vogue? Appelle à Michaela. Par rapport. Bon, d'une part, l'accès est difficile. Le jour où vous ne pouvez plus conduire, vous faites comment? Ouais, vous restez sur Quiberon. Oui, mais si vous avez envie, si vous devez aller passer un scan ou quelque chose, voir un spécialiste, C'est pour ça etc. qu'on a acheté Auray. Oui, bah oui. Voilà, hein? Bon. D'une part, deuxièmement, Quiberon vit de sa réputation d'il y a 20 ans. C'est C'est vrai. délabré Oui. partout. Hein. Pour l'instant, on n'y fait rien. Est-ce que le nouveau Et t'as une maire va faire? municipalité nouvelle qui vient de se mettre en place. Peut-être que ça va redynamiser un petit peu. Ouais, Ouais, mais il y a du boulot. sauf si Non, le mais c'est maire. vrai, il y a du boulot. J'ai travaillé hein, sur Quiberon. Hein. Sauf si le Ah maire part en oui. vacances au moment où le Covid arrive, tu vois, et lui, il est parti en vacances, il est pas revenu. Hein. Il a prévenu hein, Et après, il est venu. avant de se Bah, faire. non, bah, et puis. Moi, je me dis, à la rigueur, je préfère être à Auray ou. C'est sympa aussi. Et puis, je pense que le jour où on va dans une maison de retraite, bah on ne bouge plus tellement non plus. Donc, avoir une belle maison de retraite à Auray, c'est Alors, on est en train de regarder ça, aussi bien. et pour rien te cacher, j'ai rendez-vous avec mon notaire. Aujourd'hui, c'est ma journée à faire. Ah, d'accord. Et je cantonne par rapport à ce courrier initial que tu m'as fait, me disant voilà, faire un don à ta fille, etc., etc. Aujourd'hui, cet après-midi, nous allons avec le notaire, par téléphone, rédiger ce L'acte de don, donation. l'acte de Ah, c'est donation. bien, c'est bien. Donc, je vais avoir quelques frais Oui, c'est normal, oui. là, Ouais. quelques frais là-dessus. Mais donc, tout ça pour te dire, voilà, je te suis. Mais il faut pas l'aviser à... hein? Faut pas me tromper, quoi. Mais non. Bah, Non, hein? non, non, non. Moi, Donc... j'ai proposé Quiberon. Enfin, je proposais d'abord une résidence senior. Mais Oui. après, il y avait un attachement particulier sur Tout Quiberon. à Le fait. fait est que, bon, il y a un programme, il est créé. Donc, après, bon, enfin, s'il y a des choses qui ne vont pas, ben, faut pas y aller, tout simplement. Oui, Alors, voilà. c'est pas bête, hein, la réflexion là, hein, quand même. De raisonner sur Auray. Ouais, Alors, de ne pas raisonner sur Quiberon par rapport à peut-être une ville un petit peu endormie tout à depuis fait, 20 ans. voilà. C'est pas si bête. Non, non, C'est vrai bah. qu'on a toujours l'impression que c'est riche, que ça Oui, bouge, mais il y a mais aussi. il faut aller un peu plus loin. Et peut-être des autres modes aujourd'hui de consommation de vacances qui fait que on n'achète plus de résidence secondaire. Enfin, Tout à fait, c'est un peu on différent. loue, C'est vrai. etc. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas. Donc, Et puis on a pallié quand même un peu le problème, puisqu'on a deux appartements à Auray, pour que justement si un jour on est impotent Défaillant. ou défaillant, on puisse prendre quelqu'un dans le deuxième appartement. Oui. Tu vois, pour prendre soin de nous. Bon. C'est pas bête. Non. Ouais. Alors, qu'est-ce que... J'espère que vous aimez le poisson. J'adore. Bon, ça va. Bon. Mais c'est du poisson. Alors là, tu as du gravelax. Gravelax, ouais. Et là, c'est du thon. C'est ouais. du thon. Mmh. Frais, pas cru. Tu manges ça? Ah oui, oui. Va, ça va, coup de bol. Ah, oui, oui, j'adore ça. Bon, bon. Ça va. De toute façon, ça vient de chez Lucas. Il m'a garanti que c'était. Oui. Bon, je pouvais le manger cru. Bien sûr, hein. Oui, oui, oui. Donc, il y a ça. Il y a le fait, et faut, ça, il faut que je le rappelle au notaire, qui nous avait dit que dans le cadre d'une succession, merci. Il avait... Je vais le mettre sur le oui. Ouais, si tu veux. Que dans le cadre de, d'une succession, il avait un appart chez Domitis à Auray, qui pourrait nous intéresser. Bon, mais comme il a dit ça, il y a quand même quelques mois que je ne l'ai pas relancé ouais. trop. Je vais lui reposer quand même la question. Ouais, elle est pas mal, la maison de Métis à Auray. Hein. Voilà. Moi, j'y suis allé quelques fois pour voir des clients, franchement. C'est pas bien. On a vu ouais, ouais. de l'extérieur. Hein. Moi, je trouve non, bon, on a vu... Mais, alors, les pensionnaires, s'ils ne plaisaient pas toujours, par contre. Ah bon je vous dis, ouais. Avec le personnel, c'était un petit peu tendu. Je vous le dis, hein, c'est les ressentis que j'ai eus. Mais je trouve que les logements étaient plutôt pas mal. D'accord. Quand même. D'accord. C'est spacieux. Bon. Donc voilà, voilà un petit peu nos réflexions aujourd'hui. Okay, d'accord. Bon, d'un autre... Et allez-y. Je finis. D'un autre côté, et c'était ça que je voulais te dire tout à l'heure, je voudrais que notre relation soit une relation de confiance, mais une confiance durable. Oui. Hein, on peut faire des erreurs. Oui. Hein, on ne peut pas nous tromper. Et donc, l'idée, c'est de te dire, voilà, aujourd'hui, tu as notre, en ce qui me concerne, moi, tu as mon capital, que tu connais, qui est très clair, qui est diversifié d'une certaine façon. Et puis, il peut y avoir des occasions qui se présentent. Ouais, je prends les défenses structurelles. Mais ça, je vous le rappelle, évidemment. Voilà. Et donc, ce que je voudrais, c'est sur les bons plans, c'est-à-dire les plans sur lesquels ouais. tu investis, toi, oui. par exemple, oui. parce que tu as confiance à la fois en ton employeur et en ta banque. Exactement. Et tu sais comment on navigue, tu commences peut-être un peu à apprendre aussi un autre métier, d'après ce que j'ai compris. Oui. Hein, et ça, c'est bien. Et ben, moi, j'ai envie de faire équipe entre guillemets avec toi, mais de profiter sagement de bonnes occasions. Okay. Hein? Ok. Mais des occasions durables, orientées, pas forcément business qui lui n'est pas forcément durable, mais orientées vers la santé, vers l'environnement, vers ce qui peut être durable. Oui. Voilà. En sachant que, quand même, j'ai compris, hein, et c'est ce que je veux faire, hein, de toute façon. Mais après, quand je préconise des supports actions sur Belvedere, ouais. on est d'accord que temporairement, il peut y avoir des risques de perte en capital. Mais nous sommes ouais, d'accord. Il faut bien non, l'intégrer. Non, non, mais oui. Rappelle-toi, dans ce qu'on se dit, normal. Oui. Ça fait partie. Et à chaque fois, je te demande quels sont les risques. Hein? Et donc. Non, c'est vrai qu'on a vécu quand même quelques crises là où. C'était saignant. Où c'était saignant, oui. Il fallait être costaud. Mais ce qui est intéressant. Oui, mais avant, ta grand-mère aussi, tous les jours, la première chose qu'elle regardait en recevant le journal. Écoutez, la bourse. C'est vrai. Les actions. Regardez, voilà, les actions. Moi, je me souviens, gamin, d'entendre tous les soirs à la radio les informations, et puis avec les actions intérieures. Alors là, ma grand-mère, elle venait, et elle notait la valeur. Ouais. Mais quotidiennement, quoi, tu vois, bon. Mais oui, sauf qu'avant, c'était quand même plus des... Les variations de marché étaient quand même beaucoup plus basées sur des indicateurs macroéconomiques. On avait le pétrole, on avait l'inflation, on avait la bonne santé économique d'un pays, d'une entreprise, etc. Mmh. Aujourd'hui, le monde est tellement devenu un peu fou et mondialisé que finalement, certains critères qui peuvent être maintenus bons pour une entreprise font que ce n'est pas forcément que nous elle va monter. Nous sommes d'accord. C'est quand même plus dur aujourd'hui de s'y retrouver. Oui, quoique. Oui. Dans le temps, ils étaient plus sages, ça c'est possible, sauf que dans le temps. Pas dit plus sages. T'as dit avec des points de repère mieux identifiés. Oui. Voilà. Bon, pour moi, si on a un guide, eh ben, et qu'on suit ce guide, eh bien, on est dans un schéma de sagesse. Oui. C'est ça que je parlais des plus sages. Mais il y a des moments où ils se retrouvaient dans des putains de situations de guerre, par exemple, où là, tout s'effondrait du jour au lendemain, ouais. Parce qu'il y avait un farfelu qui commençait à déconner quelque part. Aujourd'hui, la guerre n'existe plus, avec des armes, quoique il y a quelques résurgences à droite et à gauche, mais elle est devenue économique. Et c'est cette guerre-là, avec les enrichissements des uns, l'affaiblissement des autres, et c'est toi qui es au milieu de tout c'est ça. Vrai. C'est joli ça. Servez-vous. Bon. Merci. Alors, moi je te conseille de commencer par la charcuterie, si ça te dit. Oui. Et puis de finir. Finir par le poisson. Oui, voilà. Ouais. Hein? Et puis après, trop gentil, hein. T'auras un petit truc de Michaela sympa. Alors, voilà. On va te gâter. C'est gentil. Bon. Mais on aime bien manger. Ouais, oui, ça fait partie de mes trucs aussi. Quoi. Moi aussi. Hein. Bon. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, je suis gourmand. Ouais. C'est bien. Voilà, voilà. Bon, ben c'est bien. Et puis, je suis content, tu vois, de pouvoir discuter avec toi, d'échanger librement, d'être à l'aise. On peut manger quand on veut. Oui, ouais, très bien. D'être à l'aise, et ça, c'est bien. Bah, mon grand-père était banquier. Ah oui, oui. Et le mien était pour ça. Et ma mère est accrochée devant la banque. Ah d'accord. Ouais, oui, c'est beau. Elle a servi de modèle et ils ont fait un bronze. Ils ont mis sa mère à l'entrée. D'accord, ah, c'est rigolo. Ouais, ouais, ouais, ouais. Allez, on va trinquer. Oui, à la vôtre et merci beaucoup pour l'invitation. Et de quoi, on a grand plaisir. À ta santé, mon cher Yves. Et mon frère qui avait dépassé son compte il y a quelque temps, il est rentré dans la banque et puis il a demandé est-ce qu'on lui laisse, fasse un crédit et puis ils n'ont pas voulu, bon, ce que je comprends. Et il a dit c'est quand même un scandale, j'ai ma mère qui est accrochée. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'ils m'ont accordé. Non. Bon, c'est bon signe. Oui. Le temps, ils ont changé. Avant, moi, quand j'étais enfant, on allait à la banque. On s'asseyait dans un petit salon. Ma grand-mère, on lui apportait un thé. Nous, on nous apportait un chocolat, un plateau d'argent quand même. Et puis on attendait, et puis le deuxième plateau d'argent arrivait avec l'argent. Et puis c'était commode parce que le magasin de jouets était juste à côté de la banque. D'accord, donc après avoir l'argent. Quand on a eu l'argent, on allait à un magasin de jouets, et puis. Allez, bon appétit. Voilà. Maintenant, vous allez au distributeur avec votre carte, vous travaillez et. C'est vrai. Et encore, maintenant, nous, on n'a plus du tout d'espèces à la BPE. Hein. Mais là, pendant le Covid, ça manquait, hein, les espèces. Oui. Alors, ça, c'était pour Michaela. Pour ma part, mon grand-père a fait sa fortune en bourse. Et. Mais. Il était officier de cavalerie, puis en chef du cadre noir de Saumur. Et ma grand-mère, c'était un peu Coco Chanel, quoi. Donc ça vivait, mes grands-parents vivaient. Mon grand-père tirait dans les couloirs sur ma grand-mère. Des full clous. Ah oui, des full clous. Ah ouais. Et à côté de ça, ils s'entendaient très très bien, et tout a bien été. Et mon grand-père a fait sa fortune en bourse de la façon suivante. Comme beaucoup de gens qui n'y connaissaient rien, il allait voir les voyantes. Et il y a eu une voyante qu'il a suivie toute sa vie. toute sa vie de boursier, qui en 1913 lui a dit attention, oui. Il va y avoir des soucis, prenez votre argent et mettez-le aux États-Unis. Mon grand-père, bon, ils sont faits qu'aux États-Unis. 1914, la guerre arrive et il a fait le bingo en 1918 pour rapatrier son argent avec. Bien. Et il a fait rebelote en 1939. Donc, toute cette fortune-là, elle est issue de. Oui, hein, Grégo, c'est, ouais. C'est marrant, ouais. Hein. Oui, mais tu gagnais de l'argent à la bourse. Ah, il gagnait beaucoup d'argent. Mais on peut encore en gagner. Ouais. Un peu moins peut-être qu'avant, mais on peut encore en gagner. Alors, parle-nous-en. C'est là pour ça. Non, mais il y a des actions qui marchent quand même. Hein. Ouais. Quand on regarde l'évolution du gain qu'on peut avoir entre l'immobilier, les obligations, les actions quand même sur 30 ans se dégagent quand même, et de loin, même du secteur immobilier. Ah, complètement. Ah, oui. Ah, oui. Ah, bon. Ça, c'est bien de dire. Il y a eu des belles années, Oui, hein, oui. Et sur 30 ans, sur les comptes actions, tu avais un gain moyen de combien ? 6,90. Sur 30 ans ? Par an. De 80 ou de 90, je sais plus, il faudrait que je regarde la note, mais sur peut-être de 90, c'était sur 30 ans. Donc de 90 à 2020, le rendement moyen annuel est de 6,90. Mmh. Pardon. Avec les crises qu'il y a pu avoir, hein, quand même. D'accord. Ouais. Et en y incluant les dividendes, quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et sur l'immobilier ? On était à 3 et quelques. Oui, mais ça dépend où. Ça dépend, oui. Oui, mais on parle de moyenne. Ouais, on parle de moyenne. Puis il déduisait les charges, taxes foncières, etc. Ouais, ouais. Normal. Et sur 10 ans ? J'ai plus le chiffre en tête. Pour les gens, le marché de l'immobilier est mieux. Ça dépend où on achète. Non. Non, parce que sur 10 ans, on était en 2010, donc après la crise de 2008. Mmh. Donc celui qui a investi en 2010 en actions. Il est à 100%. En 2010, on était tombé à 2005-3000 points. Aujourd'hui, on était à 5. Enfin, en début d'année, on était à 5007 pratiquement. Oui. Donc on double. Là, on était à plus 100. Donc 10% ouais. Par an. Pardon. D'accord. Voilà. Merci. Sors-toi bien. Oui, mais bon, c'est l'immobilier, ça dépend où tu as acheté. Oui, oui ouais. Non, mais on est en train de parler de moyenne, chérie. Qu'est-ce que tu as acheté Nous, heureusement qu'on a eu notre maison à Munich. Hein. Ah ouais. Bon, alors ça, c'était un bel investissement. Ouais. Maison dans le quartier des ambassades. Oui. Quartier chic de Munich. Pour vos parents, du coup, ou pour vous ? Pour sa mère. Mes grands-parents. Vos grands-parents, d'accord. Ma grand-mère avait dit à son mari un jour que, avant qu'elle fasse des enfants, on va avoir des enfants, ils ont besoin d'une maison et un jardin. Donc, ils avaient acheté cette maison. Et ma grand-mère a dit bon, d'accord. Oui. Et puis, il a. Il a cherché, il a regardé et il a donné à ma grand-mère trois maisons au choix. Ah, mais en disant, tu choisis entre ça, ça et ça. Et ma grand-mère a regardé les maisons et puis elle a dit, je choisis celle-là, c'est pas la plus belle, mais il y a un terrain vide à côté et tu vas acheter et la maison et le terrain parce que les enfants, ils ont besoin d'un grand jardin. Donc, ils ont acheté deux parcelles. D'accord. Et ces deux parcelles, on les a toujours gardées. Vous les avez toujours, donc non. Non, on a vendu, ouais. Nous, ma soeur et moi, on a vendu parce qu'il fallait payer les droits d'héritage. Ah oui, ah oui. Elle n'a pas d'enfant, on s'endettait 20 ans. Oui, oui, oui. Pour, mais c'est nous qui avons vendu. Et donc, pendant des années, oui, on avait une grande maison avec un grand jardin. Et dans les années 70, début 70, à Munich, communément de logement, ils ont fortement augmenté tous les impôts sur les terrains non construits. Dans le centre. Donc, ma mère Ma mère, elle habitait à ce moment-là avec un psy qui était un architecte frustré et qui lui a fait les plans en disant, tu vas construire, tu vas agrandir ta maison et tu rajoutes un bout sur le terrain à vide. Et donc, pour éviter les taxes. Ouais. Et donc, ils ont créé une rentrée d'argent. Un beau pas d'accord. Ouais. Mais ça date de... Ouais. Le thon, c'est délicieux. C'est bon, hein? C'est très bon. Bon, ça va. Très, très tu bien. Valides. Ah oui, oui. C'est important. Mais non, non, mais en plus, bon, pendant la guerre, on a eu chaud parce que Eva Braun, elle habitait un pâté de maison derrière. C'est qui c'est, Eva Braun, la femme d'Hitler. Juste derrière. Et les Américains, comme Hitler était souvent là-bas. Oui. Les Américains voulaient... Vous les bombarder, en fait, tout le quartier, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et ils ont bombardé. Ouais. Mais ils se sont trompés d'un paquet de maisons. Ouf. Oh, mais décidément, pardon. Là, c'est non, non, c'est la vôtre. C'est là. Non, non. Les deux, c'est tombé. Merci. Et c'est tous les autres qui sont... Les maisons étaient détruites et les gens étaient tous morts. Ouais. Et... Tant mieux. On a échappé. Oui. C'est vrai que c'est un moment... Oui. J'ai lu un livre là, récemment, ça s'appelle La part de l'autre. C'est d'Éric Emmanuel Schmitt. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, connais, ouais. La part de l'autre. Et en fait, c'est un. Alors, on a. C'est le citron, si vous voulez. Non ah, je veux bien. Ouais. C'est l'histoire d'Hitler, en fait. Alors, c'est l'histoire d'Hitler telle qu'on la connaît, nous. Mais en parallèle, l'histoire d'Hitler. Attention, hein. L'histoire d'Hitler, s'il avait réussi les Beaux-Arts, ouais. Avec l'évolution des deux personnalités qui sont complètement différentes. J'ai vu ça. C'est vraiment bien fait comme bouquin. Moi, ça m'a passionné. J'ai vu ça. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai vu ça. T'aimes bien lire? Oui. Qu'est-ce que tu... Un peu de tout. Tout. Ouais. Alors, je suis... Un peu de tout. Ouais, complètement. Ça peut être des romans de personnalité, des romans anciens, des romans nouveaux. D'accord. Ouais. Tout ce qui me tombe sur la main. Ouais. Tiens, bah, ça aussi, ça tombe sur la main. Du Tarama. Tarama. De chez Lita. C'est le seul à faire aussi du un Tarama correct. Mais donc, tu as travaillé à Quiberon tu... Oui. Déjà à la Caisse d'Épargne ou... À la Banque Postale. À la Banque Postale. Oui. En fait, moi, j'étais sur Rennes. J'ai fait toute ma carrière sur Rennes. Et à un moment, on a voulu partir dans le sud de la France. On est parti 4 ans à Montpellier. Ah ouais. Moi, j'habitais à Nîmes. Ah oui. Mais on ne s'est pas trop plu. Non. Non, on ne nous a pas plu. Pourquoi? Alors, parce que on n'a pas réussi à se faire à la mentalité, en fait. Ouais. En fait, raison. Les deux premières années étaient fantastiques parce que l'arrière-pays... Bon. Du Languedoc, c'est magnifique. Il y a des randonnées, enfin, si vous, quelqu'un qui aime bien marcher, moi j'aime bien. C'est magnifique. Il y a des coins très très beaux. Donc les deux premières années, on a sillonné quand même toute la région, on a beaucoup sillonné. Et après, bon, ça se tarie un peu hein, quand même. Hein. Ça a fait le tour. Oui, exactement. C'était et après. Du temps de fraîche ou. C'était. On y était pendant quand il est décédé. D'accord. Et après, donc on a commencé un peu à s'élargir. Moi, je suis un peu. J'ai pas besoin de grand monde autour de moi, hein. Je ne recherche pas des amitiés à tout prix. Cherche ta qualité. Oui, et puis, bah, tranquillité. Mais après, quand même, on a besoin de partager tout ça. Et puis, la famille étant loin, on n'arrivait plus trop à créer de connivence avec d'accord. Voilà, des gens de la page. Ouais. Quoi. Donc, du coup, on a préféré revenir. Et donc, pour revenir, il n'y avait plus de poste à Rennes, ils étaient en surnombre dans l'Ille-et-Vilaine. Et du coup, ça offrait juste à moi la possibilité d'aller sur Quiberon, puisque personne ne voulait y aller. C'était trop loin. D'accord. Et voilà, ouais. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. C'est bien. Et ça restait combien de temps à Quiberon? 2 ans et demi. Ah, mais c'est court. À chaque fois, c'est des petits... Je suis passé conseiller en patrimoine, c'est pour ça. D'accord. Tu grimpes? Ouais. Quand j'étais à Montpellier, j'allais passer conseiller en patrimoine. Donc j'ai refusé parce que je savais que j'allais partir. D'accord. Et ouais. Du coup, ici, ouais. J'ai attendu 2 ans et puis je suis repassé. D'accord. Mais la conseillère. Voilà, la conseillère d'ici. Elle est à Carnac, non? Non, il y a une conseillère ici. Et elle est là depuis très longtemps. Ouais. Alors, j'ai pas trop accroché. Ça passera pas. Non, j'ai. Alors, même pas la peine. J'allais vous le dire. Ouais, c'est pareil. Ouais. Voilà. Bah, on s'aime pas trop, quoi. Oui, bon, on a. Moi, c'est pareil. Comment elle s'appelle? Marine Boulaire. C'est pas Nathalie Le Boulaire, hein. Ah, moi je te parle de Nathalie Le Boulaire. D'accord. Elle était à Carnac, ouais. Carnac, ouais. Carnac qui bronze. Elle est souvent à Carnac. En fait, elle, Nathalie, elle reste sur une clientèle particulière. Mm-hmm. Donc en fait, elle a un petit portefeuille de clients. D'accord. Et puis elle est là en soutien avec les conseillers financiers. D'accord. Ouais, bon. Elle est gentille, elle est sympa. Si on ne parlait pas de la même personne, elle est très sympa. Par contre, elle se noie vite dans des détails qui n'ont pas beaucoup d'importance. Okay. En fait. Voilà. Ouais. Et je n'ai pas accroché avec elle. Ouais, je comprends. J'ai pas. Mais là, vous n'accrocheriez pas du tout avec celle de Kibon. Ça, c'est possible. Oh, c'est évident. C'est même pas la peine d'essayer d'y aller. Bon, bah, tu vois, j'essaie même pas. Non. Ou pour vous amuser, peut-être un jour. Ah, je sais pas. Et par contre, avec Gwenaëlle Toulec, ouais. Elle est bien, cette fille. J'écoute, j'ai jamais vu. Je connais pas. Non. Mais au téléphone. Ah, mais ce qu'il faudra faire, c'est qu'on ira. Quand vous reviendrez sur Auray. Ouais. On se verra tous les trois, tous les quatre. Hein, ouais, on peut. Ah ça. Ouais, elle mérite, elle est super sympa. Et voilà, donc on a eu bien accroché avec elle. On s'est bien compris. Et voilà. C'est bien. C'est bien. Eh oui. Intelligent. Mais, oui. Mais là où est le vrai problème, c'est la pause. Hein. On est d'accord. Hein, la pause, ils n'ont pas évolué. Si. Ah bon? Ils ont évolué? Si, ils ont évolué. Moi, je ne sais pas. La direction a évolué. Mais entre ce qui se passe, ce qui se dessine en lieu et la réalité du terrain avec les gens qui sont dans la salle du public, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et la poste, tu sais pas le devenir d'une entreprise comme ça. Et savoir, toi-même, la BPE. La BPE, c'est une filiale de la poste. Oui. Donc, si à la poste, ça commence à branler dans le manche, tu vois que tu. Ben, après, la poste, c'est quand même un gros groupe, parce qu'il y a la BPE, il y a la poste, il y a la caisse des dépôts et consignations derrière, quand même, et puis il y a la CNP. C'est quoi CNP? C'est la Caisse nationale de prévoyance. CNP, c'est le plus gros assureur de France. D'accord. Et on est 100%, et c'est une filiale de la Poste aussi, hein, 100%. D'accord. Donc on pèse un poids quand même énorme. Oui. Après, c'est vrai que. Ouais. Le problème vient que. Il y a une charge salariale qui est énorme, qui ne mérite plus. Si on parle crûment, qui ne mérite plus de travailler. Aujourd'hui, la distribution quotidienne du courrier, oui. Tout le monde s'en fiche. Complètement. On n'est pas un jour près pour recevoir une lettre de pub. Hein. Complètement. Ça dépend. Si. Ça dépend. Ouais. Ouais. Non, mais attends. En colis ou courrier? Les deux. Colis, ça roule à peu près. Oui. Colis, ça roule. Mais le problème des colis, c'est que pour récupérer les marchés, les gros marchés comme Amazon et tout ça, ils sont tellement obligés de tirer leurs mains que, certes, il y a des gros volumes en termes de millions d'euros, mais qui ne génèrent pas de marge en fait. Ouais. Parce que pour récupérer les marchés, ils sont obligés d'être Oui, donc, moralité de tout ça, la marge de manœuvre est vachement étroite. Ouais. Et toi, comment tu vis ça en tant que salarié? Moi, je me dis qu'à un moment donné, il y aura la scission entre la branche courrier et la banque. Je pense. La banque postale? Oui. Ce ne sera plus le groupe La Poste. Il y aurait une entité banque postale et une entité courrier avec distribution de courrier. Je pense que le courrier va disparaître. Mais oui, c'est évident, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ouais. Tu as raison. Mange, hein. Oui, je mange. J'en fais parler, là. Mais moi, je reproche le plus à la poste, c'est que. C'est pas gentil ce que je veux dire, mais tant pis. C'est que des vieilles. Ouais. Des vieux cons, c'est des vieux cons. Bah, c'est surtout des vieilles connes. Ils sont complètement aigris derrière leur truc. Et puis ils sont pas aimables du tout. Mais non, ils sont complètement aigris derrière eux. Mais parce qu'ils ont des responsables hiérarchiques. Alors, sur Quiberon, je connais moins, mais sur Auray, pour y avoir travaillé, le responsable est un peu raide aussi. Et... Ouais. Bah, moi, ils sont pas très motivants, quoi. C'est un homme à Auray? En chef d'établissement, oui, mais pas en responsable guichet, c'est une femme. J'ai discuté avec elle, la responsable guichet, de manière moyenne. Bah oui. Mais moi, c'est de la brune, là. Petite, les cheveux raides, là, un peu. Ouais. Ouais. Ce qui me fait le plus rigoler, c'est que quand les employés de la poste non, mais vont... Non, je ils accompagnent les clients pour leur montrer comment marchent les machines mais automatiques. Parce qu'ils sont, en fait, parce qu'ils sont objectivés là-dessus. C'est-à-dire que dans leur feuille de route, ils ont l'obligation de proposer l'externalisation des opérations pour après être sacrifiés. Hein. Clairement, c'est pour avoir moins de personnel. Mm-hmm. Mais s'ils ne font pas ça, ils se font engueuler. Voilà. Mais donc, c'est vrai que j'ai vécu une expérience assez surprenante. Avec Michaela, ben oui, je te l'ai dit tout à l'heure, on s'est dépaxé cet été. Pour se dépaxer, il faut écrire à la mairie où tu t'es dépaxé. Nous, c'était à Jean-Zac. Donc, c'est à la mairie, vous voulez pas à la mairie Jean-Zac ou... ouais. Non, mairie ou tribunal. Tribunal. Non, on avait un tribunal. Oui, c'est ça, ouais. Tribunal mais... de Jean-Zac, mais. Ça se passe à la mairie. Alors, je peux finir ma histoire. Donc, je fais un courrier pour nous deux. En disant, voilà, on veut se dépaxer. Donc, le courrier, il fallait l'envoyer en recommandé à la mairie. La procédure, c'était ça. Alors, c'était la première fois que je mettais un masque. J'évite toujours... aller sur les bords de la rivière, et c'était la première fois qu'il fasse une lettre, remplisse pour la lettre recommandée aussi, et oui. Qu'il aille à la poste. Voilà, bon, j'allais à la poste, tu vois. Pas l'habitude, quoi. Absolument pas, donc masqué, et puis je vais au guichet, et puis je fais, bon, ben, voilà, il faut faire ce courrier recommandé. Et monsieur, il faut aller à la machine, bon, allez, et je vais vous accompagner. Allez à la machine. J'avais le masque. Et mis mes lunettes. Non, puis il faut comprendre. Ça faisait de la vapeur. Oh, c'est pas si compliqué que ça. Non, mais il faut, faut avoir le temps d'appréhender les choses. Voilà. Et puis, bon, je fais mon truc, ça a pris une vingtaine de minutes, hein, c'est assez long. Et bon, donc je repars avec mon papier. Je dis plus rien, on laisse. Et puis, tu peux le suivre. T'as un suivi, c'est un produit. Donc je suivais. Et là, au bout de 4-5 jours, je voyais que mon courrier n'était toujours pas arrivé à la mairie. Alors, j'ai téléphoné, il y a un numéro spécial. 3631. Ouais, c'est comme ça. Et c'est même, ils ont répondu. Et là, ça s'est très très bien passé. Sauf que mon courrier est resté en stand-by, je ne sais où. Et il n'arrivait pas à en sortir, si tu veux. Donc, ça a été mal distribué. Alors, je me suis dit, putain, il faut que je recommence. Bon. Voilà. Et puis, moi, tout ce qui est administratif, non, c'est pas bon. Mais, ça ne vous fait pas. Ouais. Ouais. Après, alors, l'équipe dorée est... Oh, ils sont pas mal. Ça va mieux maintenant, mais il y a eu quelques temps, c'était compliqué quand même. Mmh. Même les relations entre conseillers et collègues. Bon. Mais de l'autre côté, ils ont quand même. Ils ont un boulot ingrat. Un petit peu. Allez, vas-y, sacré toi. Oui. Ils se font engueuler toute la journée, quand même. Ouais, ça, c'est vrai. Personne ne leur dit jamais. C'est bon, que... merci. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, vous voulez? Bon. Ouais. Ils se font engueuler toute la journée, c'est pas, merci, c'est pas passionnant non plus. Non. Mais bon, c'est pas une raison d'être désagréable. Non. Mais des fois, il y en a qui se font engueuler parce qu'ils sont désagréables aussi. Ouais. Hein. Ouais. Faut pas. Non. Des fois, ils répondent aux clients, mais c'est pas possible de répondre ça. Quoi. Tout à fait. Quand même, il y a des limites. Hein. Donc, mais il y a un moment où. Oui, comprends le cas. Et toi alors, au milieu de tout ça, bon, donc tu as quitté la poste pour la VPE, hein? T'es content? Oui. Sans plus. J'ai pas trop appréhendé l'année 6 mois. J'ai tellement souffert avec mon dos quand même, que tout mon début d'arrivée, enfin, mes trois premiers mois, je les ai subis. D'accord. J'avais tellement mal et je prenais tellement de cachets que quand on m'expliquait un truc, j'étais pas là. Ouais, non, après, il y a eu le confinement. Ouais. Après, je me suis encore opéré du dos. Enfin, j'ai pas été là beaucoup. Bon, maintenant, après, je suis content parce que j'ai plus de... Comment dire, la Poste, en fait, c'est une ancienne administration. Donc, c'est très hiérarchisé. Donc, il y a un petit chef, il y a des grands chefs, etc. Et là, par contre, je bascule dans une banque, en fait. Les circuits de décision sont courts. C'est direct, c'est oui, c'est non. Mais il n'y a pas besoin de passer par un schéma délégataire inextricable. Ouais, c'est à deux chefs et de sous-chefs. Donc ça, c'est hyper appréciable. Et je suis tout seul sur Vannes. Je suis mon propre chef. Donc c'est autonome. Exactement. Et ça fait 20 ans que je fais ça, donc je suis quand même. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un derrière moi qui me dit quoi faire. D'accord. Et ça, c'est du confort. Et en cas de problème, tu as quand même une bien sûr. Et ils sont très réactifs. Donc, en fait, la BPE, c'est pour. Il y a quelques agences en France et il y a le siège à Paris. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on demande, en deux jours, on a un maximum, on a un retour. Donc, il y a déjà demandé à Paris pour certaines choses, oui. Ce qui dépasse ton niveau de délégation, ouais, par exemple. Exactement. Par exemple, les frais d'entrée à zéro, je suis obligé de demander. Ah bon? C'est normal. Mais si je demande, n'empêche que deux heures après, j'ai la réponse. Voilà, c'est ça qui est appréciable. Là, j'ai financé des bureaux, donc des locaux professionnels. Aujourd'hui, c'est un peu tendu avec la crise sanitaire. Ouais. Hein. C'est des gens qui achètent des bureaux, bon, ils font ce qu'ils veulent. C'est passé à Paris, parce qu'il y a un risque un peu plus important. Bien sûr, oui, mais voilà. C'est ton niveau de délégation. Exactement. Quel est ton niveau de délégation aujourd'hui? C'est 250 000 euros pour les prêts, sauf prêts classiques, résidence principale, etc. D'accord. Et pour les frais d'entrée, on doit être à 0,8-0,9 en fait. Oui, mais si tu demandes l'exonération, comment ça se passe? Je fais un mail, et je demande l'autorisation pour avoir un l'exo. D'accord. Mais c'est suivi toujours. Pas souvent. D'accord. Non, mais ça rassure Michaela. Parce que, comme moi d'ailleurs, si tu veux, tout ce qui nous plombe dans certaines banques, c'est l'inertie. C'est l'inertie. Ouais, c'est vrai. C'est les frais qui sont. Comment dirais-je? Allez, encore. Merci. T'aimes pas les problèmes? Ça va. T'as compris? Non, un petit peu. Bon, ça va. Je prends un peu. Hein? Non, mais c'est pas obligé. Hein. Ouais, ce sont pas obligés. Non. Mais il n'y a que ça. Hein. Ça peut. Non, il reste du jambon? Oui, bon. Non, j'ai plus faim, merci. Attends, on va l'enlever du sommet. Oui, peut-être, oui. Je vais le rentrer. Mais... C'est bien, hein? Non, ce qui est appréciable, c'est la. Ouais, c'est. Les circuits de décision courts et la réactivité. Voilà. D'accord. Parce que franchement, que. Tu dis si moi, oui ou non, mais. Ouais, oui, et puis même avant, à la Poste, quand je partais en vacances, j'aimais pas parce que personne ne suivait trop le dossier. Oui. Là, il y a Rennes quand même qui gère. Et Rennes, c'est une équipe de filles à Rennes, hein, à la BPE. Donc là, c'est une. Ah, il y a des filles. Mais tu m'as donné, toi, un contact cet été avec. Ben oui, c'est mon collègue de Lorient. C'est de Lorient. De Lorient, oui. On est binôme, oui. J'aime bien les filles. Ah bon? Et elles sont super sympas. Tu vas? Elles sont réactives et sympas. D'accord. Donc c'est vrai que quand on part en congé, on sait très bien que du lundi au vendredi soir, il y aura quelqu'un qui pourra répondre au téléphone. Ouais. Quoi. Ouais. Ça suit. Il n'y a rien de plus énervant. Elles suivent les filles ou pas? Ah oui. Ouais, ça c'est bien. Bon, ça, donc, t'es bien. Ça, c'est pas une question de garçon aussi, hein. C'est une question de personnalité. Ouais. Exactement. Et de politique. Oui, mais. Et de politique générale, mais si tu as des branquignoles. Ouais. Ou des gens qui sont albines, quoi, parce que quand on parlait de la Poste, c'est bien ça, hein, et... Oui, c'est vrai. Et derrière, bon, ben voilà. Bon, c'est bien. Non, ça me rassure. Ça me rassure un peu. Je t'aurais pas vu, ça me serait jamais venu à l'idée d'investir à la Poste. Oui, ouais, je comprends. Mais ça vient l'idée à personne. Si, moi, ça m'est venu à l'idée. Non, mais à part des... Ça m'est venu à l'idée parce que mon frère... Depuis quelques années, elle a de l'assurance vie à la Poste et il s'entend bien avec son conseiller. Son conseiller. C'est vrai, c'est ça. Mais à la BPE, pardon. À la BPE, oui. Et donc. Bah oui, mais ton père aussi était déjà. Mon père n'a jamais été à la BPE. Il était à la Poste. Alors là, pour ça. Mais bon. Mais le gros sou. Oui. Ton héritage. Oui. C'est pas ton père? Non. Si, c'est mon père et ma mère aussi. Mais bon. Non, mais le contact humain, c'est essentiel. Alors, c'est, oui, c'est ça. Non. Ça ne se joue que par là, hein. Ouais. Peu importe après ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as à dire? Que, comme c'est une filiale de la Banque Postale, il y a aujourd'hui des gens comme moi qui viennent de la Banque Postale, à la BP. Bien sûr. Et comme quoi c'est vraiment une image tronquée, parce que je trouve que techniquement, les gens qui viennent de la Banque Postale sont plus solides que ceux, historiquement, qui étaient à la BP. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc comme quoi, c'est une question d'image. Oui. Mais ils sont c'est plus même solides comment Techniquement, ils sont plus. C'est une question de contact avec les gens. C'est ça, exactement. T'as quelqu'un de bien, bon, bah, oui, tu vas encenser la banque. La banque, bah, ouais. En disant, bah, ils sont vachement c'est vrai, bien, c'est vrai. C'est nul, ils sont réactifs. Ouais. Ouais. T'as quelqu'un qui est nul. Mais moi, c'est une des raisons pour laquelle je garde ma banque en Allemagne. Parce que j'ai le conseiller. Bah parce que j'ai un monsieur que je connais depuis des années qui a changé de banque. Donc, quand je fais quelque chose, il va le dire à ses anciens collègues, il apporte les papiers. Oui, il fait comme toi, là, avec Bonnel. Oui, c'est pareil. Voilà. Ça, c'est vachement impressionnant. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Et puis, je sais qu'il il est de bons conseils. Oui, donc, ça, c'est important. Je change de sujet, chérie, d'où elles viennent ces crevettes? C'est bonne, hein? Elles viennent de Lucas. C'est trop salé. Ah, j'aime bien, moi. Bah, ça, c'est la mer, hein? Non. Bah, il les... Non, mais il les sale pas ou... C'est pas, elles sont trop salées. Elles viennent de la Manche, hein? C'est pas Quiberon? C'est pas la baie de Quiberon? C'est trop salé, quand même. Bon. Et vous allez au resto, de temps en temps, sur Quiberon? Non. Non? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? De bien, il n'y en a pas. Non. Et puis, si vous êtes le cas touriste, oui, en tant que. Non, mais à part cette année, ouais. On est trop difficile. On est trop difficile. Ouais, c'est comme moi. Plus ça va, plus. Moi, j'y vais parce que. Le seul resto où on va encore avec plaisir, mais pas maintenant, c'est les sushis à Auray. Ouais. Tu le connais? Le petit resto là qui est rue Barrette. Ouais. Bah oui, de temps en temps, le midi, il est bon. Hein. Ah oui, bah oui. Bah, nous, c'était notre plaisir. Ah oui, c'est bien. Moi aussi, on y allait le midi avec. C'est un ancien pêcheur ouais. De Etel. Donc, il connaît les poissons. Il achète à la criée à Quiberon. Et c'est vachement bien. Ah ouais. C'est bien, très bien. On a été deux ou trois fois chez Terre-Mère. Étoilé, de devant. Avant qu'il soit étalé. De Auray, ouais. Oui. Moi, je suis allé avant aussi, c'était pas mauvais. Ah, c'était bien, c'était très bien. Bon, nous, voilà. On a essayé dans son nouvel établissement. C'est bien. J'ai pas trop perdu, elles sont molles, là. Oui, oui. Des voiles, des encres. Mais. Ça te va, là? Super. Super. Oh ben, on ne pouvait pas rêver mieux. Bon, c'est bien. Puis t'as vu, ah non, mais... t'as le soleil maintenant. Hein chérie, ça serait bien si tu nous donnais, si tu avais ça, des petits rince-doigts. Pas... Non, ça va aller. Si, là, bah, attends, si ton volant, il sent le ton. Il vient dans la cuisine, se laver les mains. Ouais, d'accord, mais bon, si tu avais ça. Mais si tu n'as pas, tu n'as pas ça. D'accord, c'est pas grave. C'était très bon, hein. Voilà. Vous mangez souvent quoi? Oui. Oui, beaucoup. Oui, oui. Et puis de plus en plus. De plus en plus, oui. Et puis Michaela s'amuse à faire des sushis. Mais ouais. Tu sais, des vrais avec, avec des algues et du riz, etc. Ouais, mais... J'en fais aussi, ouais. J'ai acheté l'appareil. Le truc de paille, là. Ah, ben bah, voilà. Mais c'est bien. Mais c'est facile. Mais oui, c'est pas dur. Je m'en faisais. Enfin, la cuisson du riz, j'ai loupé la dernière fois. Mais... Il faut du bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, tu vas voir. Ça, tu peux pas le louper. Non, j'ai vu. Hein. Tu sais ce que c'est? Ouais, vous êtes pas mal, vous êtes épicurien un peu. Oui, oui. Mais... Carrément. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas nous louper. Non, non. Pas, on est mal. Mais on aime le vin aussi. Oui, mais moi aussi. Hein. Mais on en boit de moins en moins. Ouais. Ouais. Ah, moi j'en bois pas mal quand même. Ah oui? Bon, ouais, ouais. Nous, pas assez. Ouais. Ouais, pas, pas, pas la semaine et tout ça, mais le week-end, ouais. J'aime, j'aime bien prendre mon temps, bien manger. Ouais. Alors, regarde. Et... ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bah, attends, on l'a pas goûté. Mais rien qu'à le voir. C'est lui qui vient de vendre privé. Eh ben, je sais bien. Ah. Oui, parce que l'achète des trucs. Ça, des... À Quiberon, on a un magasin de rien qui vend des produits de rien. À des prix de Max, rien. Max Plus. Ouais. Max Plus. Mais parfois, il y a des bonnes affaires. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ouais. On a vu des trucs. Alors, c'est bon. Je n'ai pas goûté. C'est pas mal. Il est jeune, c'est... mais c'est bien. Allez. C'est bien. Oui. Je t'ai dit qu'il n'allait rien. Ah, vous étiez à Jonzac, vous étiez dans le pays du, bah, du moi, cognac. Le... je il n'est pas, assez... à... pas assez pierre à fusil. Il est jeune. Vous... oui, il est jeune, oui. Un peu sec, un peu plus sec. J'en ai acheté plusieurs, comme ça. D'abord, j'ai... oui, 6. Bon, ça va. Voilà, attends. J'ai vendu des bouchons en Liège au vigneron. Dans le Nord. Ouais. Et puis, ça me plaisait bien. Donc, je me suis fait mettre au chômage et j'ai fait une formation à l'Université du Bain à Suse-la-Rousse. Et ça, c'était vachement bien. Oui, c'est intéressant. Ah, très ouais. Intéressant, oui. Et puis, et vous avez une formation, mais il y avait un examen à la fin. Et alors, je vous ai révisé son examen, donc j'ai probablement aussi. Ah, c'est bien. Ouais. Et à cette époque-là, quand même, on se torchait une bouteille à deux tous les jours. ah, oui, ça oui, fait oui, combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait un moment, temps. Du coup. Ouais, depuis 2003. Ah oui. Non. 2002. Ouais, voilà. Mais, ouais, ouais, on s'entend bien. Bon, c'est pas toujours... j'avais une spoon et de temps en temps. La galère, t'es pas mal non plus. Hein. Oui, oui, moi c'est pareil. Autrement, ça roule, quoi. Si ça roule pas, bon. Ouais. Hein? Mais donc on s'entend bien. On se retrouve, si tu veux. Ce qui est très amusant, c'est que on a investi quand même pas mal ensemble. Et plus on investit ensemble, plus on s'entend, si tu veux. Tu l'as vu, là, à travers le repas, c'est, bon, il n'y avait rien de préparé. Hein, absolument rien de préparé. Mais quand j'ai confiance en quelque chose, on fait la croche, et réciproquement, mmh. D'ailleurs, et on fait des tas de trucs ensemble. Bon, ce qui nous pose d'autres problèmes par ailleurs, parce que quand on veut... Ben, tu vois, par exemple, Auray. Merci. Notre appart à Auray. Merci, hein, c'était super bon. Notre appart à Auray, on l'a acheté à deux. Bon. Maintenant, se détaxant. Ça change pas grand-chose, non? Si, ça change. Ça change, il y a plein de choses qui changent. Mais d'ailleurs, il va falloir qu'on s'en occupe. Oui, on s'en occupe quand même. Ouais. Bon, bah écoute... mais je m'en occupe cet après-midi. Je t'arrachète ta part. Oui, mais je ne veux pas la vendre. Ah, c'est là le problème. Tu vois, alors là, c'est ça, c'est comme si, ça. Si, ça change, parce que du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir une indivision avec... Complètement. Ouais. Et il y aura une division vu le train ouvrant les choses. Mais effectivement, c'est un peu un gag entre nous. Je te rachète ta part. Non, c'est moi qui te rachète. Oui, voilà. Et personne ne veut racheter l'autre. Non, donc, parce qu'on est bien à Saint-Goustan. Ouais, c'est bien. Et c'est un peu le hasard. On est resté là. Donc nos enfants se débrouilleront. Oui, voilà. Oui. Mais on les prépare un peu. Ouais. Voilà. Tu vois, la maison là. Ils je... vont hériter, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, oui, oui, tout à fait. Et puis là, je prends ici, par exemple, ben, je c'est ma fille, c'est tranquillement, pour les donations, on va voir comment les choses se passent. Mais, elle est prévenue, du coup, votre fille? Ah oui, oui, oui, oui, elle est prévue. Oui, oui. Ouais, celle-là, bon, celle-là un peu. Et c'est un sentiment que j'ai un peu connu avec mes parents. Quand tu fais un don à tes enfants et que tu hypothèques un peu l'avenir et même ta mort, c'est ça, hein, et même ta mort, là qui sont un peu, en tout cas en ce qui concerne Caroline, ma fille, elle est un peu, elle se sent à la fois très honorée et puis très embarrassée, quoi, oui. Parce que ils sont pas habitués à gérer ça. Bon. Oui. Mais je fais, tu sais, quand j'ai arrêté de mes parents, c'était une vraie galère. Quoi. Je vais te raconter. Pas trop de votre papa là. Ouais. Si, je vais te raconter une anecdote. Mes deux parents étaient médecins. Ma mère, dans les années 2000, a commencé à décliner à travers un cancer du sein, parce qu'elle était gynécologue. Et un cancer du sein qu'elle s'est elle-même détecté. Ici. D'accord. Et ensuite, enchaînant ce cancer du sein, elle a fait une maladie d'Alzheimer, etc., etc. Mais bon, donc, j'ai un peu le climat. Et puis, comme je te le disais, je m'étais fâché avec mon père pendant 40 ans, quoi. Oui. Bon, au bout de la 40e année, il dit, voilà, on va arrêter les conneries. On arrête les bêtises. On met tout le tapis. Et puis, ouais. Exactement, et puis on y va. Et puis là, mon frère et moi, on dit à mes parents, bon ben voilà, vous avez un capital quand même assez conséquent, la maison d'ici, que je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Et un très bel appartement à Paris. Très bel appartement. Avec mon frère, on dit à mon père, bon, là, ça serait bien si on pouvait organiser cette succession, que tu nous fasses des donations, etc. Quoi. Pas nous demander tout le truc. Ouais. Fait d'accord. Et puis, il nous donne rendez-vous un mois après, etc. Donc, à cette époque-là, j'habitais le midi. Je rentrais le midi aussi, parce que c'était intéressant. Et puis, on se retrouve chez mes parents. Il y avait un grand séjour salon bien, quoi. On était bien, on était tous les quatre, enfin vraiment ma mère et mon père. Et puis bon, bah, on commence à se regarder bizarrement, quoi, tu vois. Que la maison, quand on se voyait le plus souvent, on s'engueulait pas, et on faisait des bons coups, on passait du bon temps, quoi. Oui. C'était bien. Et puis là, personne ne parle, on commence à boire. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, ben voilà, t'as parlé pour parler de ta succession et comment voir comment tu vois les choses. Et là, pour... tu vas pas m'enterrer déjà, etc. Et puis il s'est braqué, comme il savait parfaitement le faire. Et du coup, on n'a plus parlé de rien. Et jamais. Jamais. Plus. Jamais, jamais, jamais. Et à chaque fois, ben, on était en réaction par rapport à quelque chose. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'anticipation du tout. Aucune anticipation. Ouais. Ici, on arrive, je te l'ai raconté tout à l'heure, pour vendre et ramener ça dans la succession de ma mère. Et puis, en fin de compte, on s'est retrouvés. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, on ne vend plus. Voilà l'histoire. Ouais, ouais. Mais pour ma part, j'ai jamais été habitué à... J'ai toujours anticipé, j'ai toujours... Mais dans ma vie professionnelle, si tu veux, j'ai toujours un cran d'avance. Ben c'est ça, vous étiez chef d'entreprise. Oui, oui, chef d'entreprise, et puis après, j'ai co-géré une trentaine d'entreprises entre Menton et Perpignan, la Corse. Et ça oui, donc vous avez passé une bonne partie. Dans le sud de la France. Ah oui, depuis 76. Ah, ouais, 76 à 2000. Et après Jean-Zac, et après Quiberon. Et après, non, non. Oui, il y a eu Jean-Zac, mais il s'est trouvé, quand j'ai connu Michaela, j'ai connu Michaela, et à ce moment-là, je commençais à préparer mon divorce avec mon entreprise. D'accord. De façon à me faire un plan soigné. J'ai négocié ça pendant... Ouais, presque 3 années, quand le siège de ma boîte était à Paris, à Nancy d'abord et à Paris ensuite. Et à chaque fois que j'allais à Paris, je voyais mon chef, ma chef, et on a... J'ai négocié mon départ, ce qui fait que je suis parti avec 3 bonnes années de salaire. Ah, c'est bien. Oui, mais c'est la première fois que j'avais de l'argent. Quand je dis la première fois, non, j'en ai eu avant. Et il s'est trouvé que là, partant avec 3 années de salaire, je dis à Michaela, on ne va pas rester dans le midi, d'abord on a fait le tour de la question. Tu arrives quand on a fait le tour. Oui, attends, on a 20 ans, t'as le temps de voir. Ouais, quand même. Et donc, on est parti. Et on s'est dit, voilà, on va quitter le midi. Et puis on va aller s'installer toute la Méditerranée pour s'installer sur l'Atlantique. Et là, j'ai organisé un déplacement entre les agences portées de Rennes jusqu'à Bordeaux. C'est-à-dire 200, pas 200, 120. Maison, oh super, c'est vrai? Ouais. Oh la vache. Ouais. Vous faites votre gaz vous-même? Ouais. Ah super. Ah, ouais. Merci. Là, ça sort bien. Oui, ça sort bien, oui. Et donc, nous voilà partis pendant une semaine à faire 120 visites organisées avec des agences et avec un cahier des charges. Genre, voilà, je veux ça, comme ça. Et. Bien sûr, il y a peur que feu. Oui, bien sûr. Des fois, on descendait même pas. Dans mon cahier des charges, je lui ai dit, je voulais pas ci, je voulais pas ça. Bon. Mais ça nous a permis de tâter un peu le marché, de l'immobilier, sur une large part, grand sud-ouest, quoi. Oui, oui. C'était de Brest jusqu'à Bordeaux. Quoi. Grand sud-ouest. Oui, grand sud-ouest. Et puis, ben, on a été intéressé d'abord par une maison. Qui avait été rénovée. Une ruine bien rénovée. Jolie. Ouais, super. Sauf qu'on arrive sur la terre. Le notaire nous dit, bah, là, il y a un droit de passage. Vous ne pouvez pas... n'achetez pas, ce serait une bêtise. Ouais. Alors, donc, on n'a pas acheté cette maison. Il faut manger, ça fond, moi. Mais on t'attend, ma chérie, on t'attend. C'est quoi, les cuisines? C'est la café? Oui. Ouais. Donc, on n'a pas acheté cette maison, mais on a rencontré un homme qui savait faire de jolies rénovations. Il fallait lui donner une bonne ruine et tu lui donnais un bébé. Et il faisait des projets ou pas. On a visité toutes les ruines. Cette fois-ci, entre Jonzac et Bordeaux. Vous étiez redescendu un peu. Oui, on était redescendu, on n'avait pas trouvé notre bonheur là-haut. Et donc, on visitait toutes les ruines. Alors, on était très célèbres dans les agences, etc. Parce que nous, les maisons, non, on veut dire oui. Et puis un jour. Il en a eu marre. Hein. Il en a eu marre de nous accompagner, de nous dire voilà, il ne faut pas acheter ça parce qu'il y a ci. Acheter telle ruine parce qu'il y a ça, etc. Et il nous dit, bon, ben voilà, je me gardais quelque chose pour moi, et puis, les choses allant, ben, je vais le vendre. C'était un peu loin. Et lui, il travaillait surtout sur Bordeaux. Oui, donc il fallait qu'il fasse tous les... Voilà, il fallait donc qu'il remonte l'estuaire. Oui, qu'il remonte l'estuaire, oui, c'est ça. Oui. Et donc, il nous emmène dans la Charente-Maritime. Et puis là, sous la neige, je me souviens, c'est un jour où il neigeait. Sous la neige. C'est le mois de janvier. Ouais, c'est le mois de janvier, t'as raison. Et donc, ça va ? Délicieux. Ouais. Ça lui plaît, chérie. Ça lui plaît, ta glace. C'est fruit, un peu de sucre. Oui, c'est vrai. C'est tout ? Non, moi, c'est rare, parce que. Il y a beaucoup de gens qui font leur glace, hein ? Non. J'ai une turbine. Ah ouais ? Donc, ouais, voilà cette ruine. 300 mètres carrés au sol. Hein. Et là, c'était au mois de janvier. Et pendant 6 mois, on se retrouvait une ou deux fois par semaine. Et on faisait l'aménagement de la ruine. On a fait le toit, on a fait les murs, on a fait le sol, et puis les pièces, etc. Et comme c'était un garçon extrêmement intelligent, qui en faisait ça, nous, moi j'avais des grands projets, hein, pour construire une cathédrale. C'est le tête de royaume. Il disait, non, t'as pas les moyens, tu veux pas ça, parce que là, ça va plomber ton truc, etc. Mais bon, on essayait. On a négocié donc pendant 6 mois notre future maison. Au bout de 6 mois, même pas au bout de 6 mois, au bout de 5 mois, même pas. Si. Ça faisait mai, juin, juillet, Non, c'est déjà. Bon, peu importe. Elle nous dit, bon ben voilà, on a fini le projet, maintenant on va le mettre en deux. Ça va vous coûter tant, et on va faire comme on a dit. À partir de là, elle nous dit, bon, les ouvriers, c'est des Roumains. Putain, non, comment c'est... Les ouvriers, c'est des Roumains. Vous verrez, tu verras les hommes cœur au travail, etc. Effectivement, il a ramené 5, 6, 7, c'était jusqu'à 7 Roumains. Une des premières fois où on est allé, toutes les tuiles du toit, ils les avaient démontées et tout. On voit Beyrouth. T'achètes une ruine, certes, mais il restait encore un peu de charpente. Quel que tu souhaites, quoi. Ouais. Et puis là, t'as plus rien, quoi. Ouf. C'est hein, tu te souviens quand t'as descendu de bagnole, tu t'es dit ça va être vachement compliqué. Et puis en fin de compte, tout s'est vachement bien passé. Ces Roumains, des flèches, en un mois et demi. Ils travaillaient déjà 6 jours sur ça. Ah ouais, bah, oui, plutôt possible. Ouais. Ouais. Et ils ont mis 2 mois. Moi, c'est rien. Mais oui, que dalle. Ouais. Mais il est bon, quoi. Ouais, ouais. Bah, ils traînaient pas. Et puis tous les... c'était marrant parce que tous les soirs ils avaient leur caisse à outils qui avait été fournie par le chef. Et tous les soirs les caisses à outils étaient là. Inspection de caisses. Et chacun devait me remettre le tournevis, le machin. Il fallait rien manque. Hein. Ouais. Un ouvrier français, on lui ferait ça. Oui, ouais. Il n'accepterait pas. Il y aura les 3/4 qui manquent. Hein. Oui. Oui, c'est sûr. Donc voilà l'histoire de notre maison. Mmh. Mais... notre premier vrai achat en commun. Oui, oui. Mais c'était bien, hein. On était vachement bien dedans. Mmh. Il y avait des petits soucis quand même. On avait des hauteurs de plafond jusqu'à 8 mètres. Hein. Ah, mais c'est beau, ça. Ouais, ouais. Il faut le chauffer. Hein. Mmh. C'est vrai. Oui, l'hiver, un petit peu, peut-être froid. Ouais. Ouais. Donc... même si on avait bien isolé, il fallait quand même chauffer. On se chauffait avec des poêles à pellet. Ouais. On en a mis 3. 3 mmh. Mais des bombes, hein, des trucs. J'en ai un, je t'en ai un. T'en as un? Oui. C'est bien, hein? Oui. Mais pour ramener des pellets. C'est pas grave, ça. Non, je trouve qu'au niveau de l'entretien, c'est super pratique. On met le sac, on est tranquille pendant la journée, c'est bien. Mmh. Je trouve que ça fait du bruit. Ah, ben, c'est ah ouais. Bon, là. Non. Non, et en fait, on l'a mis en 2010, donc c'était quand même des... Ouais. Bah non, pour vous, c'était... Non, bien non, avant, non. On parle de... Mais ils venaient d'où, les poêles? C'est notre plombier qui nous l'a conseillé. Les Italiens. Et, c'était un poêle italien, aussi, mais ouais. C'est notre plombier qui nous l'a conseillé. Si on hésitait entre poêle à bois, poêle à pellet, et on lui a fait confiance. Mais c'est bien, poêle à... Dans le principe, poêle à pellet... C'est très bien, c'est très bien, et j'en prendrai un. Par contre, il faut mettre le prix. On l'avait pas payé cher, on l'avait payé 2 500, 3 000 euros. Mais il fait un bruit fou, ouais. Parce que c'est un système de soufflerie. Donc entre la vis sans fin qui fait clac, clac, clac, ouais, et la soufflerie, moi j'arrive en fin d'hiver, il est temps que j'arrête. Hein. Nous, on n'a pas souffert de ça. Non, jamais. Non, mais donc c'est qu'il ne faisait pas de bruit, parce que sinon c'est tellement pénible. Comme, si, ça faisait un petit bruit, mais pas quelque chose de pénible. Ouais. Et j'en avais même un, tu vois, c'est amusant ce que tu dis. Parce qu'on avait fait, donc on avait un séjour, je ne te dis pas, avec hauteur cathédrale, mis ça sur deux niveaux et tout, et je m'étais fait un home cinéma. Et mon home cinéma était chauffé par un pellet. Donc j'avais le poêle au second là, ouais. Moi j'étais là. Ça ne faisait pas. Non. Mais, ouais, donc. Et maintenant ils en font un incandescence en fait. Donc c'est plus un système de soufflerie, c'est le seul feu qui chauffe la pierre et puis après qui restitue quoi. Bah oui, mais nous aussi on avait des pierres. Ah mais moi j'ai pas ça moi. Ah, nous c'était pas mal. Non. Ça craque le truc alsacien. Oui. Ah non, on avait plus, j'ai pas non, ça non, moi. Non, non, nous non plus. Mais il y avait un petit peu de... Il y avait des carreaux, c'est un peu désolant. Ou des carreaux, mais il y a de la pierre aussi. Il y a de la pierre. Bon, voilà notre histoire. Et puis, bon, quand cette affaire de Quiberon est arrivée, bah, on habitait quand même au milieu des champs. Bon, à Jonzac. Oui. Ouais. Donc c'est bien les champs, mais. Oui, au bout d'un moment. On n'habitait pas à Jonzac, on habitait à Fontaine d'Aulliac. Oui, c'est loin de Jonzac. À 10 km de Jonzac. Moi, quand j'étais petit, mes parents allaient toujours en vacances à Lorignac. Ça doit pas être très loin de Jonzac, non? Non, je ne connais pas. Non, si, si, mais c'est côté plus bord de mer. Oui. On y allait de temps en temps au bord de mer. Mais bon, non, mais c'était sympa. C'était sympa, on avait des tas de copains, tu vois, nous, qui aimaient bien manger bio, etc. On allait à la ferme. Ouais. Et on avait un copain à la ferme, et c'était le lait, c'était les légumes, c'était les poulets. On se nourrissait chez lui. Ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah, il avait élevé des vaches, et puis à la retraite, il en a gardé deux. Une, oui. Et puis, bah, tu allais à 5 heures avec ton bidon. Ton bidon. Mmh. Tu avais le lait, la crème, tout. Ah, c'est bien ça. Mmh. Ah, ouais. Et puis, il disait, bah, tu veux des tomates? Ouais. J'aime bien les tomates, ouais. C'est poulet. Les poulets, qui, quand il les tuait, ils faisaient 3,5 kg. Ah, ouais. Bah, ils étaient nourris à la crème. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, les poulets bio que je prenais à un moment, ils étaient tout... Non, merci, non, merci. Non, je reprends la route. Et ils étaient tout riquiqui, là, ils étaient pas très bons. Ah non, non, c'était... On mangeait admirablement bien. Ouais. Un peu plus loin, il y avait les canards, on faisait du foie gras. Ah, c'est bien, ça. Il y avait le cognac. Alors, on appartient à une association qui s'appelle Slow Food. Slow Food, c'est manger bon, propre et juste. C'est justement bon, propre et juste. Ça a été créé par un Italien, Italien. Il y a 35, 40 ans. Et donc, il y a cette association de 160 000 personnes dans le monde. Tu vois, c'est... Et là, on apprend. Là, on apprend ce que c'est qu'une alimentation bonne, propre et juste. Parce qu'en fait, un des buts de Slow Food, c'était de garder toutes les espèces variétées en voie de disparition. Oui. De les garder, de les préserver, trouver des producteurs ou des éleveurs. Pour redynamiser un petit peu les filières et tout ça. Ah, mais ça complètement. Ouais. Et complètement. Ça, pas uniquement en France, oui. En Europe. Oui, dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Oui. Oui, parce que nous, on n'a pas encore des espèces. On a tout. Oui. On le porc noir de Bigorre. Oui, c'est vrai. On a plein de choses. Si, si, on a. Il y a plein de choses, mais on ne sait pas. Oui, on ne sait pas, oui. La poule de Barbezieux. Coq de Barbezieux. Un jour, qui est en voie de disparition, du coup, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Parce ouais. qu'elle est trop maigre, ouais. Et puis elle ne fait pas les ponts passer. Ça plaît à personne. Ouais. Ouais. Et un jour, pour s'amuser, on a fait un marché paysan qu'on a organisé, Michaela et moi. Parce qu'à côté de Jonzac, à Chonac, on avait des halles. Mais de belles halles, si tu veux, qui avaient été rénovées, etc. Ouais. Et donc, on a fait ce marché paysan. Le problème, c'est que les halles étaient trop petites, donc on a dû tourner autour, etc. On a fait venir une soixantaine d'exposants. D'exposants, ouais. Ouais. Et si tu veux, ils ont gardé un souvenir, et puis l'an prochain, tu recommences, etc. Ouais. Et puis l'an prochain, on dit. Et du coup, là, sur Auray, comment vous faites? Vous avez votre circuit de producteur? On a voulu un peu, oui. Ça commence. C'est long, hein? Ouais. Ouais. Bah, il y a moins de choses, mais bah, au marché, il y a quand même quelques-uns. Moi, j'ai un café. Je veux bien un petit café. Un vrai ou un Vénéca? Oh, n'importe, je vous fiche. Un vrai. C'est parti. On a, ici, à Quiberon, on a un gars, je l'appelle le Fada, parce que c'est un peu... il met rien, et c'est lui qui fait il fait des tomates. Avec du sucre, Bertrand? Non, non. Très bien. Merci. Et puis, il y a Le Visage qui fait les marchés, qui est producteur. Oui. Ah oui, j'en veux, oui. Ouais. Bon, bah, lui, c'est pas mal. Et puis, il y a le lait, il vient d'à côté. Là, ouais. De... Vous buvez beaucoup de lait? Non, mais quand je fais les yaourts, des glaces. Ça. Ah oui, vous faites vos yaourts vous-même et tout ça. Non, c'est bien. J'aime bien. Vous avez une yaourtière du coup. Oui, ouais. Ouais. C'est facile à faire ou pas? Bah, on met le produit, c'est tout, et puis on après, met ça... dedans, on allume, 8 heures après c'est fait. Et vous faites aux fruits aussi? Vous mettez les fruits? Non, moi je nature. Mets nature parce que je préfère mettre les fruits à l'heure. Après, ouais. Mais je cuisine beaucoup. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Et... Moi, j'aimerais bien faire mes yaourts moi-même. Ah, mais c'est facile. Mais oui, oui, c'est facile, mais c'est. De sève, c'est un peu le temps, quoi, qui manque. C'est 5 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, bon, comme je suis connue, l'autre jour, il y a un voisin qui m'a amené toutes les pommes qui étaient tombées par terre. Oui. Les fénucides. Non, mais il me dit, bah tiens, tu feras des tartes, de la compote, de machin, de trucs. Bon. L'autre, il m'a amené les couettes. C'est bon, ça, les couettes. Quand je vais au marché, je demande un kilo, on m'en met trois. J'ai mon marchand de fruits, il s'appelle Omar. À Auray ou ici? Les deux. Il fait les deux, ouais, d'accord. Ouais. Alors, je lui demande s'il pêche. Il me dit, bon, attends, je vais t'arranger ça, et puis tu feras de la compote, et puis tu feras de la confiture, et puis... Ah, c'est bien. Il m'en met 5 kilos. C'est bien de cuisiner. Ah, c'est une champion. Ouais. Mais moi, j'adore ça aussi. Quand j'ai le temps, ouais, j'aime bien, ouais, je me plais. Les schpoutz, ouais. Les champions en cuisine. Oui, c'est... Je ne suis pas schmoutz, je suis que moitié schmoutz. Mon père était autrichien, oui. Pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais il est quand même schmoutz. Les Allemands disent des Autrichiens que les Autrichiens sont tellement bordeliques que même les Russes n'ont pas pu rester. Ah oui, d'accord. Ah, et voilà, on s'entend bien. C'est bien. Ouais, j'ai grandi en Amérique du Sud, alors ouais, c'est pas ouais, pareil. Ouais. Oh, vous avez très peu vécu en Allemagne, jusqu'à 5 ans. Après, pour passer mon bac. Oui. Vous êtes retourné en Allemagne pour passer mon bac? Ma mère est divorcée. Donc, ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, et puis... Merci. Il est bien sûr. Merci, très gentil. Non, ça fait 50 ans que je vis en France. D'accord, oui. Vous pouvez venir en France? Oui. Ouais. Bah, j'étais venue pour apprendre le français. Vous avez rencontré un... Non, même pas. J'étais fille au pair à Paris, chez le directeur de Burberry. D'accord, ouais. À la Madeleine. Et son épouse était très jeune. À quelle année tu étais à la Madeleine? À la Madeleine, j'étais en 70. Ah, on devait y être. J'étais chez Rodier à l'époque. Si, peut-être. Donc, c'était à côté. Oui, c'était à côté. J'étais au 70. Au 8 boulevard Malesherbes. C'est marrant ça. On vivait au-dessus de Burberry. Ouais, ouais. Et son épouse, bah, elle était jeune, mais en fait elle cherchait quelqu'un parce que ses parents avaient eu un accident de voiture très grave. D'accord. Et elle allait tous les après-midi à l'hôpital. Ouais. Donc elle avait besoin de quelqu'un en fait. Ouais, d'accord. Et en fait, bah, on s'entendait vachement bien, donc je suis restée chez eux. Ça m'a fait une famille. Puis après j'étais chez un peintre. Ouais. C'est... Ça a commencé. Oui, merci, oui. Très bien, profite. Bon, après j'étais dans une agence immobilière, après j'étais dans le sucre. Dans la betterave. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Oui, chez Sucre Union. C'est Dali Sucre. Après on a créé notre entreprise et on va en mettre des formations à la prise de parole en public. D'accord. Ah ouais. Bah, ça marchait vachement bien. C'est vrai? Ah oui. Ouais. À ce moment-là, c'était quand les lois au bout sont arrivées et la formation professionnelle pour les entreprises est arrivée. Et à Paris, on était deux. D'accord. Ah oui, donc ça devait bien tourner. Ouais. Vous avez fait ça longtemps? Oui, une quinzaine d'années. Ouais, quand même. Mon premier mari était comédien, donc il s'est recyclé là-dedans. Si, ça marchait, je pense bien. On avait les notaires, les pharmaciens, les avocats, toutes les professions qui étaient en contact. Le les EDF, GDF. Mmh. Les grosses boîtes. Ouais. Et puis. Enfin, Nanel, il fallait retourner pour bloquer les arbres. Pour ouais, c'est ça. Et... C'est parti. Ouais, puis le conseil était bien payé à ce moment-là. Oui, c'est vrai. C'est... Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est pas comme. Puis ils avaient de l'argent. Ouais. Ouais. Et puis, ils investissent. Ils négocient. Oui, c'est ça. On facturait 6 000 francs la journée. Oui. C'est vous qui allez dans les entreprises ouais. Ou... ouais. Moi j'ai le marché, lui il faisait des formations. Ouais, d'accord. Et puis bon, on avait un deuxième parce qu'on avait trop de monde. Et puis après je me suis investi aussi dans la lecture rapide. C'est-à-dire pour apprendre au cadre. Ah, d'accord, oui, d'accord, ouais. Ah, oh, c'est dingue ça. Ouais. J'aurais jamais pensé. Moi. Bah, c'est une question. Oui, oui, C'est un entraînement de vie. Oui, j'imagine. C'est le principe, c'est quelqu'un qui s'appelle Richaudot qui a inventé ça. Oui. Il l'a copié chez les Américains. En fait, les gens qui lisent lentement, ils se lisent à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se focalisent en lisant. Oui. Et on ne peut pas prononcer plusieurs mots simultanément. Non. Mais on peut capter plusieurs mots plusieurs simultanément. Mots, ouais. Donc le principe, c'est de rééduquer. Oui. Et de faire le lien avec les mots qu'on a pu capter. Quoi. C'est ça ouais. Hein d'accord. Et donc c'est de l'entraînement, c'est de la gymnastique. C'est... Non, ouais. Et ça fonctionne bien aussi. Et oui. Alors donc, tu n'aimes pas mes chocolats? Si. Tu peux arrêter d'en prendre. Ah, t'as raison. C'est bien. Tu... Non, donc on a une expérience professionnelle divers et variée. Oui, c'est bien. C'est... Alors, ce que je souhaiterais. Oui. Avant qu'on se quitte. Oui. Quel heure est-il? Dans 10 minutes, il doit partir. Ouais. Ah, il n'est pas à 3 heures encore. Non, ça va. Non, il n'est pas à 3 heures. Ok. Merci. Avant qu'on se quitte. Donc, je voudrais que tu me fasses un tableur. Mmh. Avec les références de chacun des produits que j'ai, mmh. regroupés comme tu as fait là, là avec don, là, okay. D'accord, mmh. avec une base achat, des montants initiaux, ok, des montants initiaux, et, les gains. Et petit à petit tu fais les modifications par rapport à ce qui est fait, par rapport à ce qui est fait, ça te va ouais. À la fois l'évolution des titres et quand on fait les 40, enfin, les nouveaux placements là, oui, je rajoute. Mais c'est un tableur que tu m'envoies. Oui, j'ai compris. Et que tu mets à jour. Ok. Ça te va ? Ça me va. Et la même chose à Michael. Hein. Bon. Même mail. Oui. Oui. Et moi, j'ai donc besoin d'un compte. Oui. J'envoie mes papiers tout à l'heure par mail. Oui. Et puis, dès que j'ai payé mes impôts, on fera ça pour les petits-enfants aussi. Ok. Attends, on peut les partager ? Bah oui, bien sûr. Vous voulez que j'en mette un peu dans la... Non, vas-y, laisse le milieu. Ça te va ? Oui. Et puis, dès que j'ai payé mes impôts, je vous... Pour les petits, ouais. Mon fils, il a doit. Et là, donc, on part sur 100 000 euros ? Oui. On est d'accord ? Oui, oui. Sur le structuré. Sur le structuré. En contrat émeraude, du coup. Et deux fois. Oui, 40, 20, 20, 20. Non, mais... Oui. On prend 40 du compte sur livret, oui. 20 sur le fonds euro de l'émeraude, oui. Et 20 et 20 sur les deux contrats de capital. Et par contre, 100 000, bah, vous ferez un virement de votre banque une fois que vous aurez le RIB de la BPE. Oui, tout à fait. Okay. Et puis le reste, on verra. Oui, quand les impôts seront payés. Okay, ça marche, parfait. Ouais. Ça te va ? Bah oui, bien sûr. Bon, oui, bien sûr. Tu as combien de clients aujourd'hui ? 250. Ça fait ça en combien de temps c'est... Ah non, il y avait déjà une collègue. Un portefeuille. Ouais, ouais. En fait, j'avais une collègue qui était à la BPE, qui était super sympa, on est amis. Hein. Et du coup, son mari a été muté en Guadeloupe. C'est comme ça que je suis rentré à la BPE en fait. Son mari a été muté en Guadeloupe l'année dernière. Ouais. Donc du coup, elle a dû le suivre. Et du coup, comme il n'y avait pas d'espace. Elle a laissé la place. Comme il n'y avait pas de BPE en Guadeloupe, elle a réintégré la Banque Postale. D'accord. Et du coup, elle a laissé la place. Alors, de là que j'ai recruté. En fait. T'as récupéré 250 clients et t'en as ramené combien ? Non, j'ai récupéré 200 et puis là j'ai dû. Après, sur Auray, ça faisait 8 ans. On se connaît pas depuis longtemps, mais non. Moi, ça faisait 8 ans quand même. J'étais sur Auray, donc j'avais quand même. T'as su faire des mutations comme ça? Ouais. Sans trop de problèmes? Non. Il y avait quand même un lien particulier qui a été créé avec certains clients, quand même. Bien sûr. Ouais. C'est bien. Ce qui est super. Ouais. Et oui. C'est le côté le plus agréable du boulot. Les hommes? Les femmes? Les clients. Ah oui? Ah oui, oui. Les clients et la relation de confiance. Et les produits, alors? Je reste des produits. C'est secondaire, en fait. Ah, c'est secondaire. Secondaire. C'est donc un vecteur. Oui, pour toi. C'est sûr. C'est sûr. C'est bon. Est-ce que tu... Mais c'est vrai, on s'en fiche un peu des produits. C'est bien sûr. Non mais, on s'en fiche pas, mais c'est important. Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on attend d'une banque? C'est pas gagner. Qu'on gagne 1% de moins ou 1% de plus, de toute façon, comme on n'a pas ses sous dans l'autre banque, on ne saura pas si on aurait gagné plus ou moins. Donc, comment t'as dit là? On commence. Si on gagne 1% de moins ou 1% de plus, on ne saura pas si on aura mieux gagné si dans cette banque-là. Si on avait tenu dans une autre. Bah oui, puisqu'on n'a pas les sous dans une autre et ce n'est pas les mêmes personnes. Donc l'élément de comparaison, il n'existe pas. Sauf que tu as des clients qui réfléchissent un peu. Oui. Et qui heureusement quand même. Et qui se disent, c'était la discussion qu'on avait avec Michael hier matin. On a préparé. Mais chacun a de façon. Et je faisais le constat que à peu près quoi qu'il arrive, aujourd'hui, un portefeuille, c'est 4%. Excuse-moi pour le bruit. 4%. Oui, le gain. Pas tout le temps. Hein. Mais, non, mais en il moyenne. Est opti- il est optimiste. Oui, en moyenne. Ce dernier. Ah non, non, non. Un portefeuille, il y a tout. Il y a du monétaire, il y a des obligataires et il y a des actions. Mais si le marché action fait zéro, vous n'êtes pas à 4. Hein. Il faut que le marché soit à 12 pour que il pallie au manque de rémunération des autres placements. Hein. Mm-hmm. Vas-y, vas-y, continue. Bah, c'est tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que un client, s'il gagne moins 1 ou plus 1, oui, oui. Il n'a pas de point de repère. Déjà, et ils sont fichés. S'il est bien et qu'il y a de la réactivité, que sa carte bancaire marche bien, qu'il a une réponse quand il a besoin d'avoir une réponse, bah, c'est pas grave. Parce que les clients... Et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Oui, mais peut-être aussi parce que les clients aujourd'hui... Ils sont méfiants. Non, avant, nos grands-parents ils suivaient ça au centime près. Ouais, ouais. Aujourd'hui... C'était leur capital. Bah oui. Mais c'est toujours leur capital. Le capital. Mmh. Et tu sais, pourquoi l'oublier plus, on est moins... C'est vrai, dans ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, sauf exception. Je remarque quand même que, quel que soit l'endroit où je me dirige, je parle des 4%, c'est pas innocemment, hein. C'est pas un truc que j'ai inventé hier matin. Hein. Quel que soit l'endroit où je me dirige, quand je pose la question, ben voilà, c'est 4%. C'est la réponse qui m'est faite, si tu veux. Bon. C'est le marché mondial aussi. Alors que moi, je suis intimement persuadé que là-dedans, il y a des petites perles, des petits diamants, des petits machins qui font, avec une bonne réaction, qui te font décoller comme tu as envie. Oui. T'es et il faut consacrer du temps. Oui. Il faut plus de risques. Il faut plus de risques. Non, mais attends. Il faut qu'à un moment, la prime de risque, elle paye. Est-ce que tu as remarqué quand même, en ce qui nous concerne, que nous, le risque, bon, on est quand même très prudent. Voilà. Donc, moi, vous avez pris quand même un peu de risque. Hein. Oui, un peu, mais quand pas, même. Pas énormément. Vous avez gardé votre feuille? Ouais. Il y avait 15% de risque. Ah, c'est intéressant, ça. Attends. 15% de risque. Je crois. C'est marqué. Oui. Ah oui, j'ai fait... C'est bien. Ça m'intéresse. Hein, et c'est maintenant que tu le dis. Tu vas t'en aller et tu me dis mais que... Non, mais c'était marqué non, mais sur la feuille. Attends. En bas. Attends, les lunettes. En bas. Support action. Support sécuritaire, support immobilier. Voici qu'il y a marqué risque. Action. Ah, bah on va mettre risque à côté. Non, c'est support action. Et tu vas me le mettre sur mon document. D'accord. Risque. Support action. Bon. Action égale risque. Risque. Et tu vas me mettre des points d'exclamation. Ok. D'accord ? Faut que j'y pense. Ah, c'est vachement important. Ouais. De toute façon, on fera un échange. Mais là, on est à 15%, c'est correct. Oui. 13. Oui, mais encore une fois, tu es encadré par cette alchimie-là, de questionnement du client, de voir son niveau de risque. Pourquoi ça ? Parce que juste, les banques ont peur. On se retourne contre elle. Ah, mais de toute façon, c'est uniquement dans le but de se protéger. Voilà, elle, hein. c'est dans le but c'est de pas, se protéger. C'est pas de vous protéger. Le vous. Client, on s'en fout. Oui. Bon, voilà. Ah, là, clairement. On est d'accord. Ah, faut pas être focus. Là, les questionnaires et tout ça, c'est uniquement pour se protéger elle. Ah, hein. On est d'accord. Bien sûr. On est d'accord. Bon, voilà. Bah, bon. Écoute. Hey, merci beaucoup. C'était bien. Ah, c'était super. J'ai passé un moment super. Eh bien, nous aussi. Hein. Ouais. Hein, c'était un bon moment. Et je propose qu'on le renouvelle. Dès demain midi. Non, dès demain. Attends, il faut te laisser le temps de faire un peu d'argent quand même. Comment on fait après pour une fois que tout est prêt? Eh ben, tu peux l'envoyer par mail, non? Non. Bah, tu viens. Oui, tu viens. Rendez-vous. Ouais, C'est quand? Je viendrai pas. C'est quand? Bah, ça dépend de votre il réaction. Il m'a dit demain. Ça dépend de votre réaction. Il peut manger demain. Bon, moi, ma réaction, tu la connais. Oui, oui. Bon, immédiate. Ça va dépendre de vous. Ouais. Bon. Quand j'ai les papiers et quand je peux saisir. Bah voilà. Le plus important, c'est les 100 000. Oui, j'ai compris. Oui, ça sera que les 100 000. Oui. Bon, oui. Donc, il y a quelque chose à signer là. Ah, bah oui. C'est tout le bazar. C'est comme le même cinéma que Claude. Hein. D'accord. Ouais. Bon, bah tu me dis quand c'est prêt. Tu dis quand c'est prêt. Quand c'est prêt, puis je passe un matin. Ou... Un matin. Jamais le matin. Oui, je sais. Ouais. Moi, je peux signer le matin aussi. Oui, elle peut signer, mais moi, pas. Ouais. Donc, comme tu fais les choses aussi avec moi. Ah, merci beaucoup, hein, c'était super. Le plaisir est pour nous. Tu t'appelles et puis on prend un rendez-vous. Oui. Une heure et à Gabelle et puis on va. Ça marche. Ok. Voilà, c'est top. Débarrasser. Le vin était bien. Pour rentrer le chocolat, ça va. Attends quoi? Ah non, ça va, tu peux les rentrer. Alors, c'est un peu encombré. Oui, mais encore un peu de place. Parce que sinon, c'est affolant les papiers qu'il y a. Bien, et puis on lui fait un petit casse d'aile de rien. Hein? Ah, la gauche.